la religion. On dit que c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas. Ça n'est pas une injure, ma bien. Exactement. Mais là où on en parle, des fois aussi, ça apporte des réactions, pour ne pas dire autre chose. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une émission de radio avec Jean Desmoyens. Et puis, il y avait un prêtre, un sociologue religieux, il y avait aussi M. Beaugrand-Champagne qui était invité. Et puis, c'est assez original d'inviter Daniel Kemp avec ces gens, pour la simple raison qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont convaincus que je suis tout à fait athée. Ils ont raison de remarquer, mais il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que je suis anti-religion. Alors là, ils ont complètement tort. Et c'était assez surprenant de constater qu'on m'invitait pour venir débattre une question, à savoir si les gens allaient à la messe de minuit par tradition sociale, par habitude sociale ou bien par conviction religieuse. Et le soir même, on fait une conférence, la religion fait un tremplin. Il y a énormément de gens qui, dans leur cheminement de conscientisation, découvrent que dans leur enfance ou dans leur vie, disons, d'adulte, ils ont été paramétrés, disons, encarcanisés, limités par des enseignements, par des formes particulières comme la confession, comme le péché mortel, le péché vinel, comme l'acte de, on appelle ça constriction parfaite, c'était un bois constricteur, tu connais, c'est l'acte d'étouffement parfait. Ils ont appris certaines choses et à un moment donné, ils découvrent que ce qu'ils ont appris n'est pas nécessairement de l'ordre de la réalité, mais fait plutôt partie de l'ordre d'une condition de vérité qui est limitée dans la conscience d'une collectivité qui est une religion, quelle que soit la religion, quelle que soit la secte. Qui était relié aussi à un temps. Oui. Les gens, lorsque les gens découvrent cela, évidemment, ils se conscientisent, donc ils s'améliorent au niveau du plan évolutif. Ça va de soi. Sauf que lorsqu'ils comprennent cela, ils rejettent automatiquement tout le mécanisme de la religion, tout le mécanisme de la spiritualité, et dans un certain sens, ils ont raison de le rejeter, pour la simple raison que ces personnes, qui sont donc de cette phase transitive, ne seraient pas capables de supporter leur condition de conscience s'ils ne pouvaient pas rejeter tout l'inconscience qui maintenant les habite encore. C'est-à-dire que chaque chose est ce qu'elle est. L'humain peut en faire. Il peut faire cette chose une bonne chose et il peut faire cette chose une mauvaise chose. Lorsque d'une bonne chose, tu la transmutes en mauvaise chose, l'exemple de la religion est souvent pris au niveau de l'évolution, comme par exemple ceux qui évoluent au niveau des médecines douces. L'exemple le plus dramatique, le plus frénétique, c'est la médecine traditionnelle. Il y a des médecins qui charcutent tout à rien, puis ceci, puis cela. Bon, c'est le même phénomène. Et je ne connais pas un acupuncteur, moi, de être capable de recoudre un bras d'une personne qui a justement eu son bras sectionné lors d'un accident. Un phytothérapeute non plus. Mais ça, on n'en parle pas. C'est la médecine traditionnelle. La médecine biochimique, la médecine chimique, la médecine dure, qui, en fin de compte, n'est pas bien plus dur que la médecine douce, qui souvent est extrêmement dure aussi. Mais évidemment, les adeptes de l'anti-médecine traditionnelle rejettent cette médecine, comme les adeptes de la conscientisation, à un moment donné, rejettent carrément le phénomène religieux. Sauf que la religion, elle a ceci d'intéressant pour ceux qui se conscientisent. Et là, je veux parler de ce phénomène un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes transitives qui sont dans la salle. Il y a évidemment quelques personnes qui pourraient se cataloguer de personnes anciennes, mais en passant, on ne vient pas au centre de l'universalité sur le terrain ancien, à moins d'être venu attaché, menotté, puis payonné, puis quelqu'un qui a mis ici. Parce que juste pour se déplacer ici, il faut déjà, être un peu plus... Surtout ce vendredi ici. Oui, un vendredi, disons le vendredi, la veille avant la fête de Noël, effectivement, c'est assez étonnant de trouver... Enfin, c'est pas étonnant, parce que l'humain est de plus en plus évolué, on dit étonnant, mais ça va la même, il faut dire ça. À un moment donné, il faudrait être étonné qu'il n'y en ait pas plus, parce que l'humain se conscientise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion, c'est un tremplin. Mais comme toute forme de tremplin, n'est-ce pas, si vous allez voir un spectacle aux Olympiques, que vous voyez le plongeur sauter puis se pogner après le tremplin, ben là, le tremplin devient frais. Le tremplin, par définition, est quelque chose qui te permet, qui te supporte, jusqu'au moment où tu peux le faire vibrer à un point tel qu'il te garoche. Et si le tremplin s'agrippe à toi, il y a un problème. Aux Olympiques, quand ça arrive, il y a toujours un élève blessé. Quand la personne te retombe sur le tremplin, il y a un problème. Donc, la religion est effectivement un tremplin. Maintenant, le plongeur qui plonge, est-ce qu'il a le droit de maudire le tremplin une fois qu'il a quitté le tremplin? Et encore là, la majorité des personnes, dans le livre que j'ai écrit, il y a une place où je spécifie justement que l'homme nouveau ne croit pas. Et que ce que la religion de l'homme ancien promet, c'est ce que l'homme nouveau vit. Évidemment, chez l'homme ancien, ça le fait en termes québécois. Je vous aurais ceux qui sont trop, ça le fait chier. Bon, mais c'est impeccable, c'est prouvé que lorsqu'on est constipé, il y a des problèmes de santé. Autant avoir une certaine purge psychologique, c'est meilleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain se sert de la religion non pas comme tremplin, mais comme frein. Et ce n'est pas la religion qui fait cela. On a eu des papes fous, on le sait. On a eu des papes de loin intelligents. On a eu des prêtres fous, OK. On a eu des prêtres extraordinaires. On dit que la religion a créé des guerres comme les croisades. Ah oui, OK. Disons 50 ans de guerre en 2000 ans. Bon, c'est pire. Hein? Bon, si on regarde les phénomènes politiques, ils ont créé autant plus de guerres que les phénomènes religieux. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas condamner le mécanisme de la religion, quelle que soit la religion, à partir du simple fait qu'à un moment donné, l'enseignement qu'elle donnait à l'homme était ajusté aux possibilités de conscience, donc de compréhension de l'homme, et que lorsque l'homme arrive au 21e siècle, comme on en est rendu aujourd'hui, on arrive vers le 21e siècle, eh bien, c'est évident que si on veut continuer à se servir de la religion comme outil, lorsqu'elle avait été adaptée à l'homme disons, 2000 ans, lorsque les réformes papales ont refomenté la religion pour qu'elle puisse être un peu plus adaptée à ceux du 14e siècle, à ceux du 17e siècle. Mais aujourd'hui, plus l'humanité avance, plus les traditionnalistes deviennent imbriqués dans leur tradition, alors aujourd'hui, on a essayé les messes à gogo à un moment donné, ça n'a pas fonctionné fort. On est rendu à un point tel où l'humain ne veut plus vivre sa tradition, c'est-à-dire qu'il ne veut plus la reformer, il préfère simplement retourner en arrière. Et donc dire que c'est plus comme ça. C'est quoi le problème? Ça fait 2000 ans qu'on est dans une forme de religion, le catholicisme entre autres, et en fin de compte, l'humain vit toujours le même problème. Alors, dans l'Antiquité, on disait, là, on applique à la lettre. Ça ne change rien. Peut-être que ce qui est donné là doit être interprété par l'homme. Est-ce que la loi doit être vécue ou simplement, strictement suivie? Alors, l'homme a commencé à interpréter ce qui a engendré les sectes, ce qui a engendré toute la phénoménologie que l'on connaît aujourd'hui. Après 2000 ans, vu que l'humain n'a pas compris encore l'essence même de l'utilité de la religion, on va en parler de toute façon, après 2000 ans, l'humain se dit, ça va pas mieux. Peut-être que c'est parce qu'on l'a justement interprété. Alors, essayons maintenant de suivre à la lettre. Mais ça a plus de sens. La religion, c'est un tremplin, quelle que soit la religion. Ce que l'enfant est au centre de l'universalité, c'est un tremplin aussi. Quelqu'un qui, à un moment donné, s'accroche d'une façon inconditionnel au centre, à moi, où est-ce que je dis, où est-ce que je fais. Ben, c'est aussi stupide que de s'accrocher à une banane. À un moment donné, la poudre, elle va tomber, la banane, elle va mourir, elle va tomber avec toi, elle va te... Mais quand même, la religion, ça représentait quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher comme Dieu. Ça représentait d'une façon un peu plus concrète des choses sécuritaires. La religion, une orientation de ces énergies. La religion, c'est l'expression conditionnelle justement de l'inconditionnel cosmique. La religion, c'est l'expression dans la tête de l'homme de tout ce qu'il ne peut pas connaître. La religion, c'est quoi? Mais la religion, c'est toute l'ignorance de l'homme focalisée dans des livres sacrés. C'est ça, la religion. Et parce que c'est une ignorance qui a été, disons, éblisée, qui a été écrite, qui a été focalisée dans des livres sacrés, on parle de la Bible, on peut parler aussi du Coran, du Talmud, de la Torah, on peut parler de la Bhagavad Gita, on peut parler de différents livres religieux. Lorsque l'être humain ne sait pas d'où il vient, ça rentre dans la religion. L'être humain ne sait pas pourquoi il meurt, ça rentre dans la religion. L'être humain ne sait pas s'il s'est créé ou s'il a été créé, ça rentre dans la religion. L'être humain ne comprend pas le phénomène des maladies, le phénomène des naissances de personnes handicapées. Alors, il place ça au niveau religieux. L'être humain ne comprend pas pourquoi il y a les guerres, c'est religieux. L'être humain ne comprend pas pourquoi il y a l'enfantement, c'est religieux. Bref, tout. La religion, qu'est-ce que c'est? C'est la tentative de l'homme, c'est un contact avec de l'intelligence, avec de l'esprit, mais quand même récupéré par l'homme au niveau de l'homme, pour arriver à permettre à l'humain de vivre une conscience dans l'ignorance. Je ne dis pas que la religion tend à rendre l'homme ignorant. C'est faux. La religion tend justement à permettre à l'homme de connaître. La religion tend à permettre à l'homme de savoir. Sauf que l'être humain doit lâcher la religion. Exactement comme si l'école secondaire te permet d'aller au cégep. Donc, l'école secondaire est géniale. Mais si tu ne sors pas de l'école secondaire, tu ne pourras pas rentrer au cégep. C'est impossible. Le cégep, tu peux dire à un moment donné, ben oui, mais c'est parce que c'est l'école secondaire qui va retirer. Pourquoi? Parce que quand tu fais la transition entre l'école secondaire, où il y a des battements de 5 minutes, où c'est qu'on catalogue tous tes cours, tu sais, t'es puni quand tu vas pas être en classe. Rendu au cégep, si tu viens pas, on s'en fout. T'sais, tu prends le battement que tu veux, tu vas au cours que tu veux, c'est tes notes qui te punissent. Tu n'as pas conscience de ce que c'est qu'une note, mais en fin de compte, tu t'en balances. L'insécurité exemplaire de l'école secondaire, tu ne la retrouveras jamais dans un collège, dans un cégep. C'est le même phénomène pour la religion. La religion, c'est l'organisation structurée de l'ignorance de l'homme. Et c'est une religion. Et c'est là pour permettre à l'homme de se relier à un moment donné à quoi? Ben ça, c'est pas grave. Les religions, chacun leur mot. Mais fondamentalement, on en revient un peu tous à la même chose. Et on peut dire que la religion, c'est organisé pour que l'être humain se relie à Dieu. L'homme égoïque se relie à Dieu. Dieu, on ne sait pas ce que c'est non plus. Donc, c'est expliqué dans la religion. Parce que dans la religion, il y a d'expliquer l'ignorance de l'âme. Ce Dieu peut être toi, ça peut être ton esprit, alors que tu sois te relié à toi, ou te relié à Dieu, ou te relié au Créateur, ou te relié à ce que tu voudras. Une chose qui est conditionnelle de la religion, elle est là pour te permettre de te relier. Sauf que la religion n'est pas là pour libérer l'âme d'elle-même. Et ça, c'est fondamental. La religion, c'est comme un gouvernement, c'est un gouvernement spirituel. Qu'est-ce que c'est le gouvernement? Le gouvernement, il a une fonction, je l'ai déjà dit, maintenant on peut l'appliquer au gouvernement spirituel. Parce que les religions sont des gouvernements spirituels qui veulent avoir des... Et au niveau des élections, ils veulent avoir des êtres humains. Alors on convertit, on fait une propagande et puis on veut avoir du monde. Plus il y aura d'humains, plus la secte risque de devenir une religion. Donc les plus les partis. La religion est un gouvernement spirituel et tout gouvernement a comme fonction première de continuer d'entretenir ou d'instaurer les conditions sociales ou spirituelles qui obligent la présence de ce gouvernement. Donc, la religion de l'islam, les prêtres, toute la religion organisée islamique, est là comme fonction première de nourrir la condition du peuple qui rend essentielle la présence de l'islam. La religion catholique romaine, c'est le même phénomène. Elle a comme condition première, comme fonction première, d'obliger le peuple à avoir besoin d'elle. Tout gouvernement est là pour ça. Le gouvernement libéral va créer une condition sociale pour qu'on le remette en élection la fois d'après. Le gouvernement du PQ va faire la même chose, le conservateur va faire la même chose, les gouvernements militaires font la même chose. Les gouvernements militaires, pour rester en place, ce ne sera pas long. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des petites révoltes, des ceci, des cela, ce qui oblige le peuple à avoir besoin du gouvernement militaire. Le gouvernement spirituel et les religions, c'est le même phénomène. Il faut comprendre que la religion n'est pas là pour enflammer l'homme, elle est là pour initier l'homme. Sauf que l'initiation de l'homme ne provient pas de la religion, l'initiation de l'homme provient justement de l'ordre du temps où il va quitter la religion. Mais c'est justement le contraire qu'on comprend, parce que finalement, si on est initié, on doit être initié à l'intérieur même de la religion. On dirait que même la religion, c'est tu es dedans, puis tu meurs dedans. Le problème, oui. Le problème, c'est que si tu es initié dans une religion, ici, on entend toujours par religion le catholicisme, mais disons que la religion parle des religions. Si tu es initié à l'intérieur d'un cercle fermé, tu vas être capable de vivre mieux dans le cercle fermé. Mais le cercle fermé, est-ce qu'il est en résonance avec la réalité cosmique? Il n'y a pas une religion, il y a plusieurs religions. Il y a des religions planétaires qui ne connaissent pas de religion. Mais chacune pense que c'est la religion. Et c'est un problème. Si chacun pense que sa vérité est la vraie, bien c'est justement une preuve que les vérités sont des illusions, des colorations, des adaptations de la réalité. Mais finalement, je t'écoutais, tu disais, c'est que les religions semblaient vouloir rendre les gens un peu esclaves. Moi, ça m'a toujours apparu comme différent. Elles le font, et c'est une condition essentielle de la survie des religions, obligeant l'humain à ne pas quitter la religion. Et c'est un non-sens. Ce n'est pas un non-sens, c'est même extrêmement intelligent, cosmiquement c'est intelligent. Du point de vue de l'homme, lorsqu'à un moment donné, ma mère rentre à l'église, elle va voir le prêtre, elle va se confesser qu'elle a trois enfants, qu'elle n'en veut plus. Le prêtre sort du confessionnal, il gueule devant tout le monde, puis elle garoche en dehors de l'église. Elle a compris le message, elle ne peut jamais retourner à l'église. Bon. Et là, elle va dire telle chose, c'est tout à fait idiot. Ça, c'est le prêtre, ce n'est pas l'église. L'église, elle est là pour que l'humain reste à l'intérieur. L'église, elle est là, quelles que soient les églises. Elles sont là pour conserver les fidèles. Les fêtes traditionnelles sont là pour réénergiser, pour restimuler la nostalgie, justement, de l'état de croyant, de l'état de foi, de l'état de béatitude dans ce mécanisme religieux. Le problème ne vient pas justement du fait que si la religion a vraiment bien fonctionné à un moment donné, était vraiment à son apogée énergétique sur le plan spirituel, mais là, on veut se raccrocher à ce niveau-là parce qu'on pense qu'on a peut-être manqué notre coup parce que maintenant, la religion a de moins en moins d'importance. Où est-ce qu'il était le manque dans ça? C'est que finalement, il n'y en avait pas de manque. Non, je vais revenir sur le point de vue de l'âme et le point de vue cosmique de la religion pour qu'on comprenne. Il est normal pour l'homme d'accréditer une religion, et si on l'instruit de sa naissance à cette religion, c'est évident qu'il sera prêt à mourir pour ce Dieu et qu'il sera prêt à se défendre au nom de cette religion. D'accord? Aujourd'hui, l'humain a de plus en plus accès, il y a moins de censure, de plus en plus accès aux religions des autres. Alors, il peut commencer à magasiner. Tandis qu'avant, si tu naissais dans une famille chrétienne, tu devenais chrétien. Dans une famille juive, tu devenais juif. Et si les juifs voulaient tuer les chrétiens, tu aurais tué les chrétiens. Et si tu naissais chrétien, tu aurais tué les juifs. Bon, ça ne dépendait pas d'une consonance intérieure, ça ne dépendait pas d'un point de vue cosmique, mais bel et bien d'un point de vue humain. Bon, le peuple est où? C'est l'orgueil majeur du gouvernement spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion, elle est là premièrement pour paramétrer l'humain qui n'a pas une consistance de conscience suffisamment élaborée pour arriver à supporter son ignorance. Pour pouvoir supporter son ignorance, il le fait supporter par la religion. Alors, il va y avoir donc des divinités qui, à un moment donné, vont être monothéisées, c'est-à-dire qu'on n'aura plus plusieurs dieux, on aura un dieu. Et c'est ce dieu qui daignera cacher les choses à l'homme, ce qui permet à l'homme de pouvoir supporter son ignorance parce que c'est Dieu qui le lui donne. C'est merveilleusement intelligent. Parce que lorsque l'humain ne comprend pas, ne sait rien, n'a même pas de conscience qu'il est là, ben, il ne se pose pas de questions, où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, puis il nous fait chier, ça va là. Parce que l'humain commence à avoir juste suffisamment de vibrations de conscience pour pouvoir voir qu'il vit, il veut vivre. Mais il n'a pas suffisamment de conscience, son cerveau, le néocortex est à peine vibrant. Chez ce genre d'humain, on retourne un peu à son début même de l'Empire égyptien. Et à l'époque de Sumer, l'être humain n'a pas de conscience, n'a pas de cerveau pour pouvoir poser les questions convenablement. Donc, il ne peut pas élaborer ou comprendre une réponse convenable. Alors, lui va dire, pourquoi Dieu fait qu'il pleut? Ben, il y a une phénoménologie qui, maintenant, n'est pas une théologie, mais plutôt une planétologie, qui permet d'expliquer ce principe. Qu'est-ce qui l'a créé? C'est une autre question. Mais, à un moment donné, il faut que l'humain finisse par coordonner sa recherche. Parce que l'humain n'a pas la possibilité de coordonner sa recherche, il invente des dieux tout partout, ce qui lui permet de pouvoir supporter son ignorance. Je ne sais pas, mais c'est parce que Zeus s'est chicané avec la belle machine qui a décidé d'envoyer telle affaire ici, puis c'est passé autre chose. Bon, j'ai été aux toilettes, j'ai pété trop longtemps, ce qui fait que j'ai frustré le dieu des chiottes, et puis celui-ci a décidé que, bon, et puis à un moment donné, je suis constipé. Il m'a interdit d'aller aux toilettes. C'est ce phénomène, c'est l'explication qu'on donnait, disons, dans l'Antiquité de toutes ces choses-là. On avait un dieu pour n'importe quoi. Maintenant, Moïse amène le monothéisme. L'être humain finit par fusionner ces dieux ensemble et il n'y a qu'un dieu qui va être servi par des archanges ou des anges. Et c'est ces archanges et ces anges-là qui, peut-être, représentaient les anciens dieux. Disons, la pluralité des dieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'être humain commence à comprendre, quand est-ce que la science a commencé à se servir de la religion? Lorsque l'humain commence à comprendre des choses. Sauf que lorsque l'humain commence à comprendre des choses, il finit par s'illusionner qui peut tout comprendre, plus besoin de la religion. Là, on va créer l'athéisme scientifique, qui n'est pas tout à fait de l'athéisme, mais qui, en fin de compte, disons, est une fusion. Une autre sorte de religion? C'est une religion mentale, mais qui n'est pas nécessairement vouée à Dieu dans le sens de l'intouchable. On dit touchable plus tard, on dit touchable pas toi. Mais que devient Dieu? Rien. Lorsque l'être humain considère cette sa religion dans laquelle il est, il peut maintenant dormir en paix, parce que ce qu'il ignore, mais c'est normal qu'il ignore, Dieu garde le secret. La religion est réellement le support de l'ignorance de la condition humaine. Parce que l'humain transite, lorsqu'on en arrive à un siècle, comme aujourd'hui, on peut l'expliquer de plus en plus, des phénomènes. Ce n'est pas parce qu'un phénomène est expliqué scientifiquement qu'automatiquement, il n'est plus du ressort des énergies créatrices. Souvent, l'humain va dire, il n'y a rien là, Ça cause de planter la graine, ça pousse, voilà. La science, c'est ça depuis longtemps. Ouais, je comprends, mais jusqu'à j'ai planté une roche, ça n'a pas poussé. Ben, c'est ça, une roche, ça pousse pas, la science, c'est ça depuis longtemps. La science dit rien. La science, elle est capable d'expliquer mathématiquement une condition. Mais elle ne voit pas que la condition mathématique, il a fallu qu'elle soit orchestrée. Et là, le théologien tout content vient dire que c'est Dieu. Sauf que le problème, c'est que si tu es malade et tu pries Dieu, tu vas mourir malade. Tandis que la science de la côté peut te guérir même si tu ne pries pas Dieu. Donc, il y a un phénomène qui se passe à un moment donné. Plus l'être humain devient conscient, plus l'être humain se voit remis entre ses mains. Et ça, c'est un phénomène, c'est là le tremplin des religions. C'est que la religion, elle est là comme tampon de conscience, tampon de panique pour empêcher l'humanité qui commence à germer dans une conscience de paniquer. Et la religion va donc permettre à l'humain de pouvoir supporter son ignorance conditionnelle tant et aussi longtemps que l'humain n'aura pas une cérébralité, une vibration, une évolution améliorative, pas l'évolution darwinienne, une évolution améliorative, qui à un moment donné va permettre à cet humain-là de pouvoir dire « Bon, qui a créé Dieu? Dieu s'est créé l'humain. Ouais, mais qui a créé celui qui s'est créé l'humain? Ah, Dieu était là avant tout. Mais si lui était là, pourquoi pas moi? Non, Dieu t'a créé. » À un moment donné, c'est un grand problème. Alors, l'humain est capable, l'humain est rendu à une conscience qu'il peut aborder ce genre de questions sans paniquer. Mais vu que l'humain panique encore, il va, les sectes vont pouvoir pourrir, les écoles traditionnelles, enfin, tout ce qui peut servir de support à l'ignorance de l'homme. La science sert de support à l'ignorance de l'homme. C'est justement, c'est des ressources. La religion, donc, elle est absolument géniale, comme le phénomène scientifique, parce qu'elle permet à l'être humain qui a de l'ignorance de pouvoir continuer son évolution à travers un chemin où il se détruirait complètement, il serait carrément fou, se suiciderait, il refuserait carrément la vie, s'il n'aurait pas de support à cette ignorance. La foi et la croyance, qu'est-ce que c'est? La foi et la croyance, c'est la possibilité qu'un homme de pouvoir vibrer d'une étincelle de réalité qu'il ne peut pas conscientiser. Dieu, j'ai la foi, mais il ne connaît pas tantôt. Non, mais je suis sûr que ça ne peut pas rien expliquer. La foi et la croyance sont géniales parce que c'est ce qui permet, d'ailleurs, c'est une grosse différenciation entre la vie. Il y a une chose qu'on a fait à ce nom aussi, à cette condition. Le problème de l'homme, c'est que l'homme, il utilise sa foi. Alors, ce qu'il fait, qu'à un moment donné, il a tellement vécu dans cette foi-là que lorsque c'est le temps de changer, bien, il aimait sa foi, il y a une sécurité avec sa foi, il y a du fun avec sa foi, il l'a ramené sa foi, il l'a aidé sa foi, fait qu'il veut l'amener avec dans le neuf. La foi ne peut pas passer dans le neuf. Ton tremplin te permet d'être supporté, il permet d'être de vu devant tout le public, il permet de pouvoir dandiner un peu, prendre de l'élan, et à un moment donné, il faudra que tu lâches le tremplin, le public ne te verra plus, tu te rends dans l'eau. Puis quand tu ressortis, ils vont voir ta tête, et c'est là qu'ils vont applaudir. C'est là que le retour énergétique est important. Là, je ne parle pas du phénomène égoïque, on parle d'une correspondance. Mais t'es un swing, c'est un tremblant, les mondes sont tous là, ouais. Silence, ils vont dans l'admiration. Après une demi-heure de soulignage, c'est un tremblant, le monde, ils vont se gratter un peu la tête, ils vont se demander qu'est-ce qu'il fait là, tu sais, qu'il prend un escalier ou qu'il saute, je ne sais pas, quelque chose. Mais celui qui se donne là, c'est un tremblant, qui plonge, ben c'est là que le résultat apparaît. Mais il n'y a plus de tremblant. Il devrait remonter sur le même tremplin. Ben, aux Olympiques, oui. Hein? Ben, non, tu passes de degré en degré, tu vas chercher jusqu'au gros tremplin. Tu changes de tremplin pour pouvoir continuer à fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion, elle est un plateau. Dans l'ère nouvelle où on s'en va, il y a un autre plateau qui est de nuances différentes. Le nouveau plateau ne vient pas de la tradition. Il ne vient pas du passé. Il ne vient pas des archétypes cosmiques qui ont engendré les phénomènes religieux à l'échelle de notre planète. Il ne vient pas des conditions sociales de l'humain. Il ne vient pas des magistrats politiques. Il ne vient pas des gouvernements terrestres ou des gouvernements spirituels. C'est une condition tout à fait normale qui est une mécanicité, justement, qui oblige l'humain à cette mutation, c'est-à-dire que l'être humain est un véhicule de quelque chose. Parce que le véhicule est prêt à changer quelque chose, eh bien, on change le véhicule. On bâtit un moteur. Lorsque le moteur est prêt, on le met dans une automobile. Quel moteur vole, quel moteur ne vole pas, ça va dans un automobile. Alors là, on va le brancher pour une transmission, on va lui rajouter des choses qu'il faut, on va le faire tenir, et puis on va le partir, puis là, il faudra qu'il accomplisse une fonction. pour bâtir un moteur pour le fond de même. L'être humain n'a pas été bâti pour que Dieu puisse dire ha ha ha, il y a un commet de péché, ha ha, de moi. Fini là. Si Dieu est tout content. Si l'être humain n'a pas été bâti pour ça, l'être humain a une raison. Ce qu'il faut comprendre, la religion, c'est le support de l'ignorance de l'homme. Et lorsque l'être humain en arrive à un point où on peut se poser des questions comme l'être humain se pose, premièrement, l'être tentatif ne peut pas et ne doit pas renier la religion, parce que celui qui renie la religion se renie lui-même. Tu es la condition exprimée de l'intelligence de la religion. Moi, je ne fais pas partie d'aucune religion. Mais sans les religions, moi, je ne sais pas là. Tous ceux qui, à un moment donné, finissent par dire tabarouette, ils manipulaient. Oui, mais sans la religion, il ne saurait jamais que la manipulation existe. La manipulation d'une condition astrale, une condition planétaire, justement, qui fait partie de ce que l'ésotérisme appelle les forces d'évolution, de ce que l'ésotérisme catholique appelle les forces luciférines et sataniques, qui, justement, oblige l'humain, il le soumet à la tentation, c'est-à-dire le manipule continuellement. Mais l'être humain va s'en rendre compte comment? Par la drogue, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est top, on vous dit. Par les accidents, les maladies, les guerres, c'est un moyen, c'est un moyen. Mais c'est mauditement vu d'aller à l'église de temps en temps à prier, puis de se faire mettre dehors par le prêtre, de se renoncer avec 20 jeunes salut Marie à faire pour se pardonner, pour apprendre le mécanisme de la manipulation des conditions astrales de notre planète que de passer par l'école de la guerre, l'école de la drogue, l'école de l'alcool, et ces choses-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion ne peut pas être... Moi, je suis absolument ravi qu'il y ait des religions. S'il n'y en aurait pas, il faudrait en inventer, mais il y en a en marche, je pense qu'il faudrait en inventer. Bon. Sauf qu'une religion nouvelle qui va apparaître, pas une religion nouvelle dans le sens des sectes. Il y a une religion nouvelle qui est en germe présentement. C'est une condition fondamentale de la transition de l'homme du poisson à l'homme aquarien, l'homme de l'air du Verseau. Lorsque je parle du poisson du Verseau, ce n'est pas au niveau astrologique. C'est pour situer le temps dans une échelle plus grandiose que nos années, une échelle plutôt cosmique. Hein? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain doit faire cette transition où, présentement, il doit amalgamer tout ce qui est mental, l'informatique, la condition, disons, le phénomène des médias qui se répare partout sur la planète, où on a une conscience, une connaissance de tout ce qui se passe présentement. On a présentement le phénomène de la guerre des étoiles qui amène une science nouvelle. On sait que sur Mars, il n'y a pas de vie parce qu'on a des sondes qui ont atterri là. On sait un paquet de choses et on va en savoir de plus en plus. On a de plus en plus peur de cette guerre apocalyptique sur laquelle on va revenir en 86, de toute façon, au niveau des conférences. Mais l'humain est de plus en plus confronté, et c'est normal que vous expliquiez pourquoi, de plus en plus confronté à sa partie intuitive, la partie religieuse ou théologique ou émotivo-théologique, et sa partie intellectuelle, la partie cartésienne, la partie scientifique, la partie logique, mathématique. L'être humain qui essaie de faire un amalgame entre les deux, il peut y parvenir, sauf qu'il devient marginal. Einstein croyait à Dieu. Ça ne l'empêche pas d'expliquer la fission d'atomes. Mais il ne pensait pas Dieu comme les fidèles à l'Église pensaient Dieu. Et il ne pensait pas la science comme les fidèles à l'université pensent la science. Il avait réussi un amalgame particulier qui lui permettait de pouvoir faire des phénomènes atomiques, de pouvoir prendre part à la construction de la première bombe nucléaire et de pouvoir dormir très bien le soir malgré qu'il savait ce que ça pouvait engendrer. Bon. Lorsque l'être humain en arrive à cette guerre, entre sa partie cartésienne et la partie, intuitive, c'est ce qui se passe dans nos sociétés, où justement on a de plus en plus de débats comme on m'a invité aujourd'hui. Est-ce que l'humain va là par habitude ou par conviction? On a de plus en plus de débats sur le phénomène religieux. Il y a des personnes, des auditeurs et auditrices qui donnaient leurs commentaires. Les religions, c'est de la merde, ça ne compte que des menteries, ça fait ceci, ça fait cela. Un autre disait absolument pas, c'est par conviction religieuse, c'est ceci, c'est cela. Dans la société, dans la conscience collective, le phénomène de l'homme nouveau, il est déjà là. Tandis que c'est pas moi qui l'amène. Moi, j'ai simplement mis des mots sur des choses qui sont déjà là. C'est tout, mais je n'amène absolument rien. Il y a des gens dans le passé qui en ont parlé drôlement avant moi, dans leurs mots. J'ai mis des mots sur des choses pour pouvoir communiquer. Mais on a déjà cette scission entre l'intuition. On l'a toujours un peu eu. Mais là, on l'a non pas dans des segments complets de la population, les scientifiques et les théologiens. Là, on l'a en presque chaque individu. Moi, je crois pas en Dieu. Non, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose pour que tout ça apparaisse? Ouais, tu peux pas me dire non, tu sais, c'est là. Bon, est-ce que tu crois que c'est quelque chose d'intelligent? Et même celui qui ne croit pas en Dieu, je suis capable de lui poser des questions, puis finir par lui faire dire, ben oui, t'en es-tu sûr? Non. Alors, le nom que tu veux, de plus en plus, il y a un amalgame entre l'intuition et l'intellect. Et lorsque l'être transitif finit par rejeter la religion, donc il calcule que la religion est un frein, c'est qu'il ne fonctionne maintenant que de sa vibration intellectuelle, et cette vibration intellectuelle n'a jamais été inclue dans la vibration religieuse. Tandis que le théologien qui, à un moment donné, ou le gars ou la fille qui a fait différentes manœuvres, revient à la religion, elle ne peut plus faire autrement que de croire, exclusivement de croire, c'est que maintenant elle vibre que de sa partie intuitive. Ce qui, évidemment, n'a jamais été inclus dans la partie intellectuelle. Et de plus en plus, les individus commencent à vibrer des deux phénomènes. Ça, c'est le phénomène même de l'homme transitif. Et je répète, je ne parle pas qu'une classe sociale vibre d'une chose et un autre d'une autre chose. Je parle que chacun des individus, la majorité, sont en train de vibrer les deux. Et là, il y a la guerre. Quand la partie intuitive prend de l'ampleur, on se demande si on a bien fait, on est un peu culpabilisé, puis on veut revenir un peu, mais on n'ose pas trop, mais non, on ose beaucoup. Et quand la partie intellectuelle reprend le dessus, ben on ne comprend pas comment ça se fait qu'on s'est encore fait avoir. Bon. La religion, c'est un tremplin parce qu'au niveau de l'évolution cosmique de la planète, Terre, quelle que soit la religion, c'est la condition sine qua non pour permettre à une intelligence d'être terrestrifiée, donc de devenir de l'homme, de l'humain qui ne sait même plus qu'est-ce qu'il fait, qui ne sait même plus d'où ce qu'il vient, qui ne comprend rien à rien. Pourquoi? Parce que s'il comprendrait, il ne resterait pas sur sa planète. Pour qu'il reste, il faut qu'il ne comprenne pas. Pour qu'il ne comprenne pas, on le coupe. Il se coupe lui-même lorsqu'il vient terrestrifié de sa mémoire cosmique, donc il ne sait plus. Et pour qu'il puisse se remettre à réévoluer de façon à pouvoir avoir une conscience typiquement matérielle, et qu'il puisse entrer en contact avec ce qu'il est. C'est un gros loup, c'est un maître. On en a plein qui viennent du Tibet, qui viennent de peu partout, qui justement ont comme fonction, ils n'ont pas le choix, d'amener l'humanité à quelque chose parce que les autres sont bloqués. C'est le même phénomène pour le coin de Saint-Germain, puis pour un paquet d'autres, grand maître. L'être humain évolue planétairement et il a une évolution cosmique. Parce que l'être humain est placé sur le plan planétaire, il ne peut pas se rappeler parce qu'il voudrait centrer son camp. Le problème des conditions luciférienne est justement qu'à un moment donné, il y a un phénomène intelligent, énergétique, supramental, qui a refusé d'être terrestrifié. C'est-à-dire que lorsque ce phénomène est arrivé, l'homme existait déjà. Et lorsqu'il a pu expérimenter la condition minable de l'humain et sa planète, cet être a voulu sacrer son camp. Il avait besoin d'un véhicule d'expérimentation et il a engendré l'homme, l'humanité. Parce qu'on dit que le Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. On sait très bien qu'il y a différents paliers de Dieu. Ça peut être Jéhovah, ça peut être Yahvé, ça peut être Manitou, ça peut être Quetzalcoatl, ça peut être on en a un paquet, Allah et d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a été créé par quoi? Si on veut prendre la Bible et la lire convenablement, on se rend compte que la condition expérientielle de l'humain présentement sur la planète a été créée parce que la Bible appelle Lucifer. C'est le Père créateur de l'homme sur la planète. C'est pas Dieu. Dieu a créé une condition de véhicule. Et puis, à un moment donné, il s'est passé de quoi? Qui, justement, a engendré des enfants? Hein? On connaît très bien les deux enfants qui sont nés. On a Caïn, on en a d'autres. Et ça a créé deux conditions expérientielles sur le plan planétaire qui sont directement une descendance luciférienne, c'est-à-dire une descendance d'êtres humains qui ont une seule vibration au niveau de leur âme, c'est celle de sacrer son camp pour retourner vers Dieu, mais ces êtres humains ne peuvent pas comprendre la condition expérientielle essentiellement cosmique de leur présence sur le plan planétaire, celle de faire en sorte que la lumière puisse connaître que la matière puisse connaître la lumière et vice-versa. Parce que l'être humain est dans sa condition religieuse, il évolue, et la condition religieuse est la récréation du cadre adapté à l'humain de ce qu'il vivait avant d'être terrestrifié, planétarisé. L'être humain vit donc dans ce schéma de religion, quelle que soit la religion, qui nous permet d'avoir une évolution de conscience, de pouvoir découvrir l'amour, de pouvoir découvrir l'entraide, mais sans paniquer, il comprend pas tout. Mais la religion lui permet de ne pas tout comprendre et de pouvoir continuer à évoluer. Donc, la religion est un phénomène cosmique. C'est pas l'homme qui est monté en religion. L'homme est embarqué dans la religion. Un phénomène qui est créé par des conditions intelligentes. Sauf qu'à un moment donné, l'humain doit se déconnecter émotivement de la religion. Là, on peut se déconnecter d'une façon intellectuelle. L'intellect n'appartient pas à la religion. Lorsque l'intellect veut condamner la religion, ça, c'est une stupidité. C'est comme lorsque la religion avant veut condamner la science. La terre, elle n'est pas ronde. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible, peut-être. Mais ça n'empêche pas que la terre est ronde. En tout cas, elle a une forme ronde, c'est photographique. Elle a une forme ronde quand elle se promène, puis, tu sais, il y a des mécanismes. La religion condamne, la science condamne aussi la religion. Le tremplin, il est génial. Sauf qu'à un moment donné, l'humain doit arriver à se détacher émotivement de ce tremplin. La religion t'a amené à quelque chose. Soit. Un marteau te permet de planter des clous. Soit. Lorsque tu ne peux plus le planter, ne barre pas avec ton marteau. Et il me dit pas, non, du marteau, tu n'arrives pas à faire les planches. C'est pas le bon outil. À un moment donné, il y aura peut-être un encore du plus à planter sur l'encore par le marteau. L'idée, simplement, c'est de comprendre que la religion est un tremplin et qu'elle devient un chemin lorsqu'émotivement elle retire l'homme à rester là. D'être humain, au moins, on regarde dans le passé, le Nazaréen n'allait pas à la messe. Le Nazaréen ne priait pas dans les synagogues. Le Nazaréen priait dehors et priait à sa façon. Il appartenait à quel secte? Le Nazaréen est né dans la secte des Nazaréens, sauf que le Nazaréen n'appartenait pas à une secte. Même lorsque le Nazaréen a été engendré, le chef essénien de l'époque, la secte nazaréenne était une secte essénienne, mais la seule qui acceptait les femmes pour l'appropriation. Lorsque le Nazaréen vous monde, c'était mesuré, c'était catalogué, on savait qu'à un moment donné, il y aurait génétiquement une constitution physique qui permettrait de recevoir un peu plus d'intelligence. Et on avait bâti le phénomène du Nazaréen dans du Christ. Il était attendu, on en avait parlé, et ça, c'était les décennies qu'on en avait parlé. Cela faisait partie des plans du monde décennier. Lorsque le Nazaréen est devenu relativement grand, tout était prêt pour le recevoir. Alors, le Nazaréen devait devenir le roi des Juifs. Le roi des Juifs, comme le dit simplement, qu'il devait prendre possession des pouvoirs politiques planétaires et être le roi des Juifs. C'était le travail du Nazaréen. Jean le Baptiste, qui lui d'ailleurs a été instruit de la même façon que le Nazaréen, était celui qui devait justement amener ce roi. Le problème, c'est que le Père du Christ était suffisamment évolué en vibration que de 0 à l'adolescent, il a pu obtenir le contact avec le plan supramental suffisamment avancé pour lui permettre la création d'un modèle éthérique. Et c'est là qu'il a commencé à parler de son père, parce qu'il avait un contact dans le plan supramental, donc dans le plan disons, de l'expression à l'époque, par son véhicule éthérique. Et lorsque le Nazaréen a décidé de commencer à faire des choses, on est revu et on lui a dit, ben là, c'est impeccable, c'est le temps que tu commences à faire ton job. Alors, il a dit, pour être contacté, ben, Rabat, c'est vous le rencontrer, puis il lui a dit, ben, on sait que tu es le roi des Juifs. Alors, on a une armée prête, désolé, on a une armée prête, et on l'a pas fait toi. Et là, le problème, c'est qu'il n'avait rien. Il a dit, non, non, moi, non, c'est. Il n'était pas le roi des Juifs. Non, il était autre chose, puis c'était pas chez les Juifs, c'était une chose planétaire. Ça, il ne l'aurait pas dit. Il ne fallait pas que tu fasses tuer de suite, il fallait que tu fasses crucifier. Pour des raisons tout à fait techniques. Bon. Alors, le Nazaréen lui-même ne faisait plus partie de la secte ni Nazaréenne, ni Nazarite, ni la secte des Thérapeutes, ni celle des gentils, ni celle des Esséniens. Il n'était rien. Il n'a pas fait partie de ça. Sauf qu'évidemment, à l'époque, ça avait créé quelques brouhaha, parce que quand tu prends 200-300 ans à préparer quelque chose, puis qu'à un moment donné, le gars qui doit tout faire, il est tout pour tout à faire. Ça mais comment se fait qu'on ne voit pas ça dans la religion? Et puis la religion, elle est là pour permettre à l'humain d'être supporté malgré son rang. La religion n'est pas là pour expliquer à l'homme clairement les conditions financières de son évolution. La religion, elle est là pour pouvoir permettre d'une façon colorée d'un peu ésotérique de transmettre la réalité à travers un jeu qui peut être adapté à différentes personnalités financières évolutives, donc à différents humains. Dans n'importe quel livre secret, tu ne peux pas trouver une seule maudite mentrée. Sauf que la vérité va être suffisamment organisée pour que tu ne puisses connaître la Bible. Quand est-ce qu'à un moment donné, vous avez compris quelque chose en disant la Bible? Par exemple, la Bhagavad Gita ou d'autres livres. Souvent, c'est intéressant, émotivement, c'est bon. Ça, là, Puis là, tu as toute une variété d'émotions, puis là, tu vas copier, puis faire un peu la même chose. Il se passe des choses dans ta vie, d'un coup, tu te prends un bout, puis oui, mon passage. Ah, ben c'est ça, là, je comprends. Oui! Ces livres-là, tu les comprends toujours après. Et pas avant. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. Parce que ces livres-là n'ont pas été inscrits par l'homme. Ils ont été colorés par l'homme. Ils n'ont pas été induits dans la conscience de l'homme, dans la plume, dans le crayon de l'homme, par l'homme. Ils ont été induits par l'intelligence. Et lorsque l'être humain lit sa Bible, il apprend l'histoire. Et tu ne peux pas apprendre l'azophie. C'est quoi l'azophie? C'est la sagesse. Ça ne se prend que pour l'initiation. Tu ne peux pas apprendre l'azophie dans un cours. Tu peux apprendre le nom, tu sais, après les choses, là, Archange, Gabriel, Mars, planète, c'est pas bon. Tu peux apprendre la mesure des choses. Ben, l'Archange Gabriel, il y a des ordres, il y a des sortes, des anges qui font ceci, qui font cela, bon, ces choses-là. Tu peux apprendre le nom des choses, c'est-à-dire le mystère cosmique de Dieu là-dedans. Mais toi, tu vas vous réclamer, c'est avec l'azophie. Mais l'azophie, ne s'en fout pas comme ça. La Bible, elle est là pour te permettre de dire, et moi, j'avais raison. Tout, le Coran, même chose. La bagarre du cœur, tu lis ça, à un moment donné, c'est ça. Mais quand tu lis avant, et quand tu lis avant, tu remarques que c'est même un émotif qui colore tout, qui t'aime, que tu deviens vu de cette chose-là, et tu n'arrives plus à comprendre. Pourquoi tu ne peux plus comprendre? Parce que tu n'es plus privé à partir de ta vie, de toi. « Oh, mais dans la Bible, il y a du quoi? Comme ta Bible, c'est ton nom, c'est expérimenté, mais quelque chose. » Tu sais, la souffrance, il y a du mot, bon. Mais ça sert à rien de prendre ta Bible, de la connaître par cœur, puis du moins quelqu'un veut te dire quelque chose. « Oh, un instant, dans Isaïe, quelque chose, il dit ceci, il dit cela. » Tu ne peux pas rien saisir de même. Si la connaissance de l'enfant, de la vision, de la cosmicité, de l'histoire cosmique de l'homme, serait facilement transmissible par un livre. Ça fait longtemps, je pense que tout le monde dit ça, a tout compris. L'être humain est ignorant, mais l'être humain est pas stupide. On avait compris les choses. Et ces conditions-là ont été créées volontairement pour que l'homme puisse expérimenter ici. Et oui, parce que l'être humain, s'il aurait eu simplement une chose tout à fait comme ça, tu sais, ben, mais il n'y aurait rien eu comme tout. Il n'y aurait pas pu vivre. C'est comme de dire à quelqu'un, tu es malade, mais tu as la puissance de te guérir. Ben, mais franchement, il faut lui que ça fait 25 ans qu'il est malade, puis qu'il chèque, puis fait tout, tu viens dire ça, il... Qu'est-ce qu'il fait avec ça? T'sais? Il y a des guerres, c'est normal, les guerres sont intelligentes parce qu'elles obligent le mélange génétique des races, puis en même temps, elles obligent l'expérience astrale des humains par rapport à des conditions nouvelles, ce qui nous oblige à ne jamais rester mémoriels qui sont mis dans leurs orgies psychologiques ou émotives, on les oblige continuellement à s'avancer vers l'avant pour découvrir les choses. L'être humain n'étant pas suffisamment intelligent pour concevoir l'intelligence de la science matérielle pour lui permettre de se libérer des conditions matérielles, l'être humain ne devient pas scientifique. Alors on prend une condition émotive, on lance la guerre sur la planète, puis dans la guerre, ben, l'être humain va commencer à inventer des choses. Puis la science évolue à travers les droits, d'une façon magistrale. Alors, mettre ça à l'époque des pharaons, là, même 13 000 ans, à l'heure montant jusqu'à là, 300 ans, ça leur a rien servi. Par contre, Romain est là, et il est toujours convaincu que dans ce livre, ça peut. Parce qu'il y a des gens qui évoluent aussi rapidement que nos chrétiens, mais qui sont d'autres connotations religieuses. Puis il y en a qui évoluent autrement aussi. Parce qu'il faut nécessairement... Celui qui a la foi à la Bible va dire que c'est essentiel d'avoir la Bible. C'est normal, celui qui a la foi est convaincu que ça va avoir la foi. Parce qu'il peut pas dire, dans sa condition émotive, « Non, moi j'ai la foi, j'en ai besoin, mais vous n'avez pas besoin de la même chose que moi. » Émotivement, il va vibrer. Moi, je te laisse toutes mes yeux. Mais moi, je parle mes yeux, mais la foi, c'est essentiel, c'est ça que vous n'avez plus besoin. Parce que c'est lui qui est émotif, ou bien eux autres sont niaisés, puis lui est correct, ou bien lui est niaisé, puis eux autres sont corrects. En réalité, c'est pas comme ça. Tu vis selon ta vibration. C'est une question d'écologie. Oui, mais l'écologie n'est pas religieuse, et l'écologie n'est pas scientifique. L'écologie est intelligente. L'intelligence ne fait pas partie de la science, qui est l'organisation mathématique de l'ignorance de l'homme, et l'intelligence ne fait pas partie de la religion, qui est l'organisation émotive de l'ignorance de l'homme. La science, elle explique ce qu'elle a découvert. C'est le reste de l'ignorance. La religion, c'est le même phénomène, sauf qu'il y en a un qui est cartésien, l'autre qui est motif. Tout à l'heure, vous parlez de que l'homme connaîtrait une nouvelle religion. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion? Premièrement, c'est un autre problème. Les religions de l'Antiquité ont servi surtout à relier l'homme à l'homme. Religion religarait se relier. Le yoga est une religion parce que yoga veut aussi dire relier. Le hatha yoga, donc la base matérielle, mais on a différentes formes de yoga. Les religions d'Antiquité, même si elles ont été communiquées comme étant la possibilité de relier l'homme à Dieu, n'ont jamais eu cette fonction cosmique. Elles avaient comme fonction cosmique de relier l'homme à l'homme. Donc, de collectiviser l'évolution de l'homme de façon à la braquer vers un endroit, un seul Dieu plutôt qu'un paquet de Dieu, pour faire en sorte que l'humain cesse de s'entretuer pour que l'humain finisse par devenir quelque chose comme une planète. Lentement, quelques religions, et lentement, l'humain s'en va vers l'ultime religion planétaire. La religion qui va permettre de relier l'homme à l'homme, mais il n'y aura plus 156 religions, il n'y aura qu'une seule religion, une religion mentale. Et jusqu'à là, on n'a eu que des religions émotives, et même émotivement émotives. Et on se dirige vers l'apparition d'une religion mentale. La religion mentale, c'est une religion qui va être capable de comprendre la mécanicité de l'écologie. Donc, elle sera une religion induite directement par de l'intelligence. C'est-à-dire que la religion mentale ne sera pas une religion qui pourra être prêchée dans le but de convertir. Les gens vont d'instinct finir par amener, imbriquer lentement leur côté intuitif, leur côté cartésien, donc intellectuel, pour lentement finir par accepter, accréditer la condition mécanique, mathématique du dévoi qui régisse l'humain. Tu plantes une graine, il va pousser une graine. Il va pousser un arbre, il va pousser quelque chose. Tu fais ceci, il va venir se passer ceci. Puis l'humain apprend, l'humain va devoir justement arriver à allier sa science cartésienne à son feeling, son intuition théologique, même théosophique. Qui est dû à la sagesse par l'expérience. La religion mentale, c'est quelque chose qui va être amené par nous. Lorsque la religion a une puissance supposément afférente, lorsque dans un endroit, tout le monde prie, et subitement, il y a la guerre, puis on défait tout ce qu'il y a là, la religion ne s'y croit plus. C'est terrible. Certains encore vont y croire, mais aujourd'hui, ça fait de moins en moins ça. Parce que plus l'être humain a la faculté de scientifiser ce qu'il vit, donc d'être cartésien ou intellectuel, moins s'il y aurait quelque chose, il va vouloir s'en remettre au phénomène divin. Qu'est-ce qui va arriver dans le ceci? Ça fait longtemps qu'on en parle, puis à un moment donné, il faudrait qu'on en parle, puis un jour, on en parle au passé. Pour l'instant, on en parle un peu encore, disons, au futur simple, là, mais à un moment donné, on va en parler à l'imparfait. C'est tout à fait imparfait, mais en tout cas. Puis un jour, quand on va comprendre, on va parler plus que parfait. C'est pas ça, parfait. C'est très bien, tu sais. C'est pas une farce, c'est une chose, c'est comme dirait Nietzsche. Bon. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain s'en va vers une phase où la science va tenter de le détruire. Et où la religion n'aura pas la puissance de le supporter. Donc, l'être humain va se ramasser d'une condition expérientielle et événementielle où il ne pourra plus s'accrocher à la maudite science, puis il ne trouvera pas Dieu nulle part dans cet événement-là. Ne pouvant s'attacher à l'intuition, ne pouvant s'attacher au cartésianisme, donc à l'intellect, à la science, ni à la religion, et on s'en va aussi tout seul en face de lui. Il se trouvera pas beau. Pourquoi? Parce qu'il aurait toujours été imbu d'être sauvé par l'extérieur, mais n'aurait jamais appris à se supporter lui-même à travers les choses. On dit dans l'Antiquité, parce que j'explique qu'on ne peut pas compter de balles de nuit. Faire les premiers pas, le ciel t'aidera. Mais les premiers pas, c'est pas de t'asseoir sur une bonne nucléaire et dire, j'espère qu'un sautera pas. Mais pète pas, parce que si tu pètes, c'est un petit peu quand je trouve des détonateurs, puis ça va péter, puis ça va péter. Tu ne peux pas dire, il y a des choses qui doivent être faites. Et ça, les premiers pas, ce n'est pas d'induire une prière. Ça veut dire que tu dois finir par supporter la gestion de ton évolution. Pour pouvoir te déplacer de l'endroit d'ignorance où tu es à l'endroit où il y a le savoir. Parce que l'être humain, sans but de connaissance, il ne se déplace pas, il s'illusionne que le savoir vient à lui. Ça marche pas comme ça. Bon. Ce qui va arriver, c'est que dans les conditions expérientielles et événementielles qui sont, disons, là encore, que nous sommes venus, et puis, tu sais, on ne peut pas se préparer. On ne peut pas encore boire du brandy. C'est un autre. Bon. Lorsque ces conditions vont apparaître, l'humain va se ramasser assis à terre dans la rue. Et puis là, il va soulever les briques, il va regarder les choses, puis il ne trouvera pas aucune trace de ces dieux. Ça ne veut pas dire que ces dieux ne sont pas existentiels en ce sens, que ça ne change rien. Mais l'humain ne verra pas. C'est la phase finale, c'est d'ailleurs, on va revenir en janvier sur l'initiation, justement, de l'humanité au niveau de l'ère du Verseau. Et l'humain ne pourra pas dire, ben la science, ça vient de te péter en pleine face, la science. Puis la religion n'a su empêcher rien. Alors, et l'humain devra donc se retrouver chez lui, et se retrouvant chez lui, il va être obligé de faire une fusion, non plus une scission, entre son phénomène intuitif, parce qu'il y aura toujours le maudit phénomène qui va lui dire, mais vous, vous pouvez, même la guerre, même ceci, même cela, il fallait que ça parte de quelque part. Ça n'empêche pas que si Dieu ne peut plus empêcher, disons, une destruction d'une quantité humaine, ça n'empêche pas que la Terre existe, mais il a fallu qu'à un moment donné, quelque chose crée quelque chose. Ou que quelque chose s'autocrée. C'est l'intuition. Mais là, il va chercher la puissance, il va dire, cette intuition-là, elle me dit qu'il y a quelque chose. Mais elle me dit en même temps que merde, observe à travers ce qu'il y a là, puis on est à côté de la trappe. En même temps, le phénomène scientifique va pouvoir instruire l'humain que la science, c'est la puissance magistrale pour faire des choses. Emploie-la d'une façon émotive, d'une façon plus croche au travers, puis tu as le résultat présent. Quand tu pourras fusionner les deux, mais pas fusionner intellectuellement, quand tu pourras vibrer les deux, le nouveau, c'est justement ce qu'il est. Le nouveau est la promesse des religions. Mais la religion ne peut pas annuler la promesse, parce que la religion est là pour, je le répète, conserver le cadre social ou planétaire qui nécessite sa présence. C'est intelligent. Parce que c'est à la religion de libérer l'âme d'elle-même. Mais non, c'est l'âme qui évolue pas la religion. C'est une mécanique. Oui, c'est à l'âme de se libérer de lui-même. Lorsque le prêtre dit, voilà, tu as suffisamment compris maintenant, ne veux plus te faire confesser, regarde-toi dans le miroir et trouve-toi beau. Bien, le prêtre peut se tromper, mais écoute, la personne n'est pas prête à supporter ce qu'elle fait sans culpabilité. Le prêtre va me dire, venez à la confession. Dieu va prendre vos péchés en main. C'est-à-dire que tu vas finir par accepter que tu es un humain et que tu ne vas pas continuer à faire quelque chose. Ça t'en fait coupable. Moi, je mets que toi, tu es pas capable de. Ça t'a fait de prier là. T'as le prêtre. Comme ça, nous ne sommes pas en révolution intelligente. On peut dire qu'on est sûr de ne pas faire d'erreur. Mais qui est prêt, fait le mouvement. Il supporte. C'est sûr qu'il est prêt et il fait le mouvement. C'est lui qui ne fait pas le mouvement, c'est lui qui n'est pas prêt. Dis-moi, de temps en temps, il vient me voir. Est-ce que pensez-vous que c'est bon pour moi de faire le séminaire PMC1 sur l'âme nouveau? J'ai aucune idée, là. Si vous le faites, peut-être que c'est parce que vous êtes prêt ou c'est le temps ou ça vous va. Si vous ne le faites pas, c'est parce que ça ne vous va pas, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas prêt. Dieu pense que ça va vous venir. Mais ce n'est pas à moi de vous dire si ce sera bon ou ce sera pas bon. Il y a des humains pour qui c'est bon, et des humains pour qui c'est neutre, des humains pour qui c'est pas bon. C'est pas bon dans la vérité. Je pourrais me tromper. Et c'est à l'homme de se prendre en main et de décider. Bon, ce serait-tu bien de suivre un cours de telle chose? Essaye, merde, peut-être. Ça peut être quelques années, peut-être, ou encore quelques mois, ou quelques jours, ou quelques heures de ta vie. Tu perdras rien, mais tu vas perdre. Tu as peut-être mettre un peu d'argent dans ton cours de gestion financière, ou de ceci, ou de cela. Puis peut-être que tu ne feras rien avec. Ça n'a rien à voir avec le cours. Ça dépend d'individus. Alors, la religion mentale va naître justement de l'expérience qui s'en vient au niveau de l'humain. C'est bien évident, la science dit non, non, non, non, non, non, faites-vous-en pas, faites-vous-en pas. Plus on en met, moins de problèmes. On sait. Mais la religion, la théologie va dire non, non, non, non, non, faites-vous-en pas. C'est Dieu veille. Bon. Einstein, c'était un prophète scientifique, puis je l'ai déjà dit, c'était intéressant de le répéter. Il a dit que si l'être humain faisait une troisième guerre mondiale, on aurait fait un coup de bombe nucléaire. Et si on fait une quatrième, il y a fait un coup de roche, pas un coup de bâton. C'est un prophétie scientifique. Mais regardons maintenant au niveau théologique, même si la théologie dit que non, non, non, non, les prophéties de Jean de Patmos, par exemple, et les l'Apocalypse lui-même. Alors même si la science dit, que la religion dit, ben les deux ont prophétisé qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Ça veut dire de deux choses. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un apocalypse pour que l'être humain prenne conscience de ces choses-là et ce qui va rendre la religion mentale, qui va être transitive vers, disons, la non-nécessité religieuse? C'est pas nécessaire qu'il y ait un apocalypse. Quand vous et moi, c'est pas nécessaire. Mais c'est nécessaire, par contre, pour qu'il n'y ait pas d'apocalypse, que la science et que la religion fassent quelque chose. Mais comme présentement, les deux ne sont pas partis à le faire, ça induit une probabilité mathématique que n'importe quel joueur d'échecs pourrait concevoir. La science continue à travailler dans le même domaine et elle fonctionne sur l'espoir. Les scientifiques se déchargent. Nous espérons que l'humanité et que nos gouvernements seront suffisamment brillants pour se servir de notre évolution technologique à bon escient. La technologie fonctionne sur l'espoir. Nous espérons aussi que j'espère qu'il neige pas, que sur ton char, tu es venu de bâtir un petit abri. Parce que l'espoir, ben, il peut neiger, puis il peut ne pas neiger, mais ça te regarde plus. La science, présentement, remet les conditions d'avenir, disons, futur de notre planète, entre les mains de l'espoir. Et la théologie fait la même chose. Il faudra absolument que ces deux phénomènes changent, et que ça change dans le cœur de l'homme. Si ça ne change pas dans la tête et dans le cœur de l'homme, phénomène cartésien et intuitif, si ça ne change pas dans l'individu lui-même, bien évidemment, les gouvernements sont manipulés par le peuple. Et tant que le peuple reste manipulé par le gouvernement, bien évidemment, c'est même comme ça. Les religions sont manipulées par les fidèles. Quand les fidèles vont voter à l'église, on leur met des messes à gogo, on leur met du bingo, on leur met quelque chose. Bon, sauf que les fidèles sont en même temps manipulés par le gouvernement spirituel. Alors, il faudrait me demander que dans quelqu'un se passe quelque chose. Mais sachez une chose, c'est que si un pape décide de changer des choses, il ne vit pas longtemps. Et si un gouvernement décide de changer d'une façon correcte les choses, le peuple assassine aussi. Alors, on ne peut pas attendre des gouvernements spirituels ou planétaires matériels de changer les conditions, disons pré-apocalyptiques de l'humanité. Ça ne regarde maintenant que le peuple. Quand le peuple décide une chose, le gouvernement, lui, ben, il est dans ses mémoires, il est pogné là-dedans, fait qu'il dit, oh, pas question. Puis quand le peuple décide que ça va être ça, ben, le gouvernement, il finit par dire, OK. Le gouvernement, il repartit le peuple. Pas dans le pays qui tiennent dans les mains des conditions, disons, d'évolution de notre planète. Mais le problème qu'il y a, c'est que les êtres humains sont reliés à une conscience collective. Si tout le monde le pense, tout le monde le pense, mais si personne ne le pense, ben, personne n'ose le penser. Parce qu'il faut qu'on est dans une situation où, effectivement, tout peut changer. La religion mentale, c'est une condition sine qua non de l'évolution transitoire de l'homme, de l'humanité, vers ce monde neuf. Pourquoi on parle de monde nouveau? Un monde nouveau, bon, c'est émotivement, le monde nouveau, c'est la paix, les arts, le plaisir. Scientifiquement, le monde nouveau, c'est les satellites dans l'espace, c'est faire pousser les choses en sorte, éliminer les conditions féminines sur la planète, c'est, bon, on a deux visions totalement différentes. Mais à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. La religion mentale, c'est la fusion intérieure entre chaque humain du phénomène, disons, intuitif et du phénomène cartésien. Et ça va s'opérer par l'initiation par le feu. Ça regarde pas les bombes nucléaires, c'est le terme, disons, ésotérico-religieux. Et aussi un peu scientifique, enfin, la fusion. Par la fusion, peut-être, on fera la fusion du phénomène intuitif et cartésien chez l'homme. Et ça, ça va se faire qu'à la condition que l'humain puisse être régi par de l'intelligence. Et l'humain ne peut être régi par de l'intelligence que lorsque l'humain se déconnecte totalement de ses conditions mémorielles, donc de son passé. Et l'humain ne peut se déconnecter de sa condition mémorielle, donc de sa condition du passé, que lorsqu'il vit un événement qui est tout à fait au-dessus de ses capacités mémorielles d'y faire face. La personne qui n'a jamais vécu d'accident d'automobile, qui n'a jamais rien vécu de ça, qui ne sait même pas que ça peut exister, elle n'est pas plus en Nouvelle-Guinée, qui se promène, qui sort sur son petit parc pour chasser quelque chose, qui a un bohème qui tombe sur l'animal qui vient pour tuer. T'sais. Le bohème s'écrase là-dedans, là, c'est bon. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas, il reste là. Mais si lui aurait une faculté mentale et un cerveau pour le pouvoir le faire vibrer, cet événement le pluggerait, puis ça aurait des choses. L'humain, ici, peut vivre le même phénomène. Quand est-ce que l'humain se surpasse quand il doit se surpasser? L'humain ne se surpasse pas en pelletant son entrée de garage. C'est, l'humain ne se surpasse pas là. Quand est-ce que l'humain devient un surhomme, un surhumain? Quand est-ce qu'il se surpasse? Quand est-ce qu'il découvre qu'il peut faire des choses qu'il ne peut pas faire? C'est quand l'humain est carrément déconnecté de son phénomène mémoriel. Je savais pas que je pouvais faire ça, que je pouvais être aussi fort, que je peux courir aussi vite, que je pouvais... Mais là, tu peux pas le savoir. Tu fais dans tes mémoires, puis là, tu dis « crème, j'ai pas appris ça ». Tu expérimentes que tu le sais pas. Fait que t'attends qu'un autre le fasse. C'est pour ça que l'humain attend d'être sauvé. Quand l'humain est obligé de se surpasser, c'est pas nécessairement une condition de guerre qui amène le surpassement de l'humain. À un moment donné, l'humain va devenir suffisamment intelligent pour comprendre la condition de survie. C'est ce que j'appelle, moi, l'attitude du guerrier. Pas du combattant, celui qui a besoin de se battre. Celui qui comprend que la vie doit être vécue instantanément. C'est une survie, c'est-à-dire que jamais il ne doit tomber dans le piège de la mémoire. Un guerrier. Celui qui a l'attitude du guerrier est une personne qui, justement, peut transiter. Quelle importance accordez-vous à la réforme de son cœur? Sans laquelle l'exploitation sous toutes ses formes est inévitable. Bon, la réforme du cœur, c'est le même phénomène au niveau de l'homme nouveau. C'est que si l'être humain aime parce qu'on lui a appris à aimer, puis il aime les choses qu'on lui a montré à aimer, ben, si c'est un soviétique, il va aimer les Russes, mais il va aimer les Américains. Si l'être humain a une conscience qu'il est capable, disons, d'auto-gérer de par lui-même, s'il arrive à pouvoir supporter lui-même ses propres actions, ses propres phénomènes, ben, ça va de soi que, veut, veut pas, avec l'évolution de cette conscience individuelle, naît chez l'homme d'aujourd'hui, pas chez l'homme préhistorique. Mais l'homme préhistorique a vécu, justement, on a eu de l'évolution que l'on a connue dans notre histoire pour arriver à créer l'homme d'aujourd'hui. Et lorsque l'évolution, au niveau de sa conscience individuelle, s'élabore chez l'homme d'aujourd'hui, automatiquement, son évolution vibratoire, disons, émotif, ce qu'on appelle le cœur, suit le même cheminement évolutif. Lorsque l'intelligence décide règle les mécanismes émotifs et que les mécanismes émotifs ne s'auto-règlent pas eux-mêmes, alors automatiquement, on voit la fin des guerres, on voit la fin de la haine, on voit ces choses-là. J'ai déjà souvent parlé, et dans une conférence entre autres, les mécanismes de l'amour intelligent, du phénomène de l'amour de l'homme nouveau, qui est un amour intelligent, qui le différencie de l'amour psychologique de l'humain, qui lui est assujetti à un amour qui sélectionne. L'amour de l'humain, l'amour de l'homme ancien, est un amour psychologique, un amour qui aime. Et c'est le défaut majeur de l'amour de l'homme, c'est que c'est un amour qui aime, un amour sélectif. Alors, l'amour de l'homme ira se porter sur certaines choses et non pas sur d'autres, parce que l'amour de l'homme est un amour sélectif. L'amour n'a pas besoin de raison d'être. L'amour n'aime pas. Ce sont des lois qui sont conditionnelles de l'amour cosmique. Donc, n'importe quel humain sur la planète peut et vibre de l'amour pour la simple raison que l'amour n'est pas sélectif. Et lorsque l'amour entre chez un humain, l'expression du même amour par l'homme devient sélectif, c'est-à-dire qu'il est régi à l'émotivité, et l'émotion, l'amour n'est pas une émotion. Lorsque l'amour devient une émotion, automatiquement, elle devient de la merde, elle devient un problème pour l'homme. L'homme qui essaie de régir toute sa condition évolutive à partir de l'amour de l'homme, à partir de l'émotion de l'amour, crée des guerres, a des problèmes, souffre d'aimer, ne sait plus s'il aime trop, veut aimer un peu moins, est attaché, contrôle ceux qu'il aime, ne veut pas que ceux qu'il aime partent, sauf lorsqu'une personne meurt, empêche le jeune de s'en aller à un moment donné vivre sa vie, il aime son Dieu au point de mourir pour lui, donc de tuer pour lui, etc. L'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas une condition qui doit être régie par l'homme. L'amour, ce n'est pas paru dans l'homme. L'amour est une condition que l'homme peut arriver à un moment donné à exprimer. Mais lorsque l'homme reçoit ce phénomène énergétique de l'amour, l'attraction, Il veut automatiquement légiférer, ou même, oui, c'est ça, sur ce phénomène de l'amour, et il décide, j'aime un tel, je n'aime pas un tel, on lui mérite pas la peine d'être aimé, j'aime pas ces fleurs-là, donc ce sont des fleurs nuisibles, j'aime pas ces animaux, donc ce sont des animaux nuisibles, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, et c'est le phénomène de l'amour de l'homme. Lorsque l'humain devient intelligent, pas intellectuant, intelligent, lorsque l'humain est relié à son esprit, lorsque l'humain se centralise dans son intelligence, lorsque l'humain arrive au savoir et non pas à la connaissance, lorsque l'humain a la faculté d'avoir ce savoir instantané, c'est bien évident que l'amour qu'il va maintenant exprimer est un amour intelligent qui n'est pas sélectif, donc tout ce qui s'approche d'un homme nouveau est aimé par l'homme nouveau, et tout ce qui veut s'éloigner de l'homme nouveau est libre de s'éloigner tout en restant aimé par l'homme nouveau. L'homme nouveau va pouvoir aimer comme l'homme ancien n'a jamais aimé, parce que l'homme nouveau ne souffrira jamais d'aimer, donc il n'aura pas peur d'aimer. Alors, il ne faut pas s'en faire pour l'évolution dans la conscience individuelle. Automatiquement, l'évolution au niveau de la conscience est une évolution qui est globale, au niveau des corps planétaires de l'homme, ce qui fait qu'au niveau de l'émotion, comme au niveau du corps physique, comme au niveau de la vitalité, comme au niveau du plan mental, tout sera régi par l'intelligence, donc tout sera écologique, donc conséquentiel. Souvent, l'être ancien se dit « Ah oui, mais à un moment donné, on va tout comprendre mentalement, on va être robotisé. » Voyons donc, t'annonces un beurre de peanut plutôt qu'un autre, il va se garocher tout pour l'acheter. C'est l'homme ancien qui est robotisé. Au niveau du phénomène de l'amour, on a assez peur que l'intelligence domine sur l'amour. Ben, regardez ce que l'amour fait présentement sur la planète. On a peur d'un apocalypse. On se fait encore ramasser nos enfants, puis on se fait violer des coins des rues. On se fait attaquer, on se fait voler. Et puis, on est dans un pays pacifique. Alors, imaginez-vous ce qui se passe dans un pays où ce qui se passe réellement des phénomènes qui sont, disons, guerroyants. On ne connaît pas ça ici, mais là-bas, c'est pas un cadeau. Puis, on parle encore de l'amour. L'amour régit par l'émotion de l'homme, donc l'amour régit par l'expérience de l'homme. L'humain n'a jamais expérimenté une condition réelle d'amour. Il essaie, à partir de l'expérience incomplète qu'il a de l'amour, de régir l'amour. Mais imaginez-vous. Alors, c'est ce qui se passe. À un moment donné, l'être humain va vibrer ce que c'est que l'amour. Et il ne pourra pas le vibrer en disant « Oh, on installe l'amour qui passe chez moi, tu n'iras pas chez lui. » Ça ne va pas fonctionner comme ça. L'humain va être capable d'aimer, et un être humain qui aime, aime tout. Alors un maringouin vient se poser sur sa peau, ben il l'aime. Ça ne l'empêchera pas de le tuer. Pourquoi? Parce que le maringouin, lui, c'est la condition événementielle qui est là. Ou c'est l'homme qui souffle le martyr, ou c'est le maringouin qui ne souffrira pas d'être écrasé. L'être nouveau est capable de tuer et il est capable d'aimer ce qu'il tue. Pas l'homme ancien. L'homme ancien doit haïr, détester. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque c'est plus le temps de tuer, ben, sa haine persiste, il continue à tuer. La guerre est finie. Finie. Non, elle n'est pas finie, la guerre. Les Japonais restent sur les îles, puis même s'ils savent, même s'ils n'entendent parler, quand les Américains viennent ou quand d'autres viennent, ils continuent la guerre. Au Vietnam, c'est le même maudit problème qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que tu détestes pour tuer. Maintenant que plus le temps de tuer, tu continues à détester, tu continues à tuer. L'homme nouveau, c'est autre chose. Attaquez-moi pas sur un coin de rue dans une ruelle, parce que l'homme nouveau est extrêmement pacifique, il est non-violent. Si ça prend plus d'énergie à la nature pour reconstituer une chose, l'homme nouveau va prendre le chemin qui demande le moins d'énergie. Il préserve l'énergie. Vous êtes deux à m'attaquer, moi je vais garder ma forme. Et il se passera ce qui se passera. Je suis non-violent. Et ceux qui vont m'agresser, je comprends ce qui se passe. Je ne peux pas les haïr. Mais ce n'est pas parce que je les aime que je vais me laisser t'approcher. Et lorsque c'est fini, ils ne t'approchent pas plus. Alors, tu ne t'approches pas plus. Parce que tu ne les haïs pas. Toutes les formes d'arts martiaux que l'on connaît ou les systèmes d'autodéfense, tu bûches jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus penser de t'attaquer. Jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus penser partout. Il est carrément, il est presque un cadavre. Là, t'arrêtes. Parce que c'est stupide. Parce que ça prend tellement de temps à la nature à reconstituer ce corps-là que ça devient une perte d'énergie. Ça devient de la violence. Quelqu'un attaque chez vous pour brûler votre maison, défendez-vous. Ça prend moins d'énergie à reconstituer l'œil au beurre noir du gars ou les épaules cassées que ça va prendre d'énergie à l'homme et à la nature pour rebâtir une maison. C'est ça, la non-violence. L'économie d'énergie. L'homme nouveau peut aimer et tuer. On a besoin de nourriture, alors on va aller à la chasse, si on n'a pas le choix. Et on est capable de respecter, donc d'aimer ce que l'on tue. Et c'est l'apanage même de l'amour réel. Mais imaginez-vous l'amour psychologique de l'homme, il est toujours pogné dans un dilemme. Tu aimes, puis tu tues. Ça n'a pas d'allure. tu es maringouin, autant pas y penser, parce que si tu dis crime, celui qui n'aime pas tout n'aime pas, c'est un fait. Mais on peut plus vivre, on peut plus tuer, on peut plus. Mais non, ça c'est l'amour psychologique qui est conditionnel de tout l'apprentissage de l'amour. Un enfant, s'il ne montre pas à aimer, s'il faut lui montrer à aimer, c'est qu'en partant, il n'y a pas chez lui la condition fondamentale de l'expression de l'amour. Ou bien, elle n'est pas dans nos mémoires, puis on ne tient pas à la voir apparaître réellement chez un enfant, ce qui fait qu'on le déforme convenablement pour qu'il aime comme nous autres et qu'il haïsse comme nous autres. Faut pas s'en faire lorsque l'homme nouveau apparaît, lorsque la transition va se faire chez vous, même phénomène. Vous allez finir par aimer plus, par moins détester, puis vous souffrirez pas d'aimer. Puis en même temps, vous allez devenir un peu plus mental. Ça fait normal. Que pensez-vous de Ekankar et que Jésus fut initié par des maîtres spirituels du Tibet, tels que Rabazar Tars, quelque chose comme ça? Bon, premièrement, Ekankar, j'en pense exactement la même chose que vous. Alors, c'est parfait? Parfait. Bon. Jésus finissait par des maîtres spirituels du Tibet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, ça n'a foutrement aucune importance de savoir par qui le Nazaréen a été initié, ou s'il l'a été ou s'il ne l'a pas été, premièrement. Pour la simple raison que ça, c'est une recherche d'autorité. Alors, si le Nazaréen a été initié chez les Rose-Croix, ça prouve que les Rose-Croix... Bon, mais t'es pas capable de savoir toi-même si les Rose-Croix, c'est bon, sans savoir. Si le Nazaréen a été initié par un maître Eck, ça prouve que... nécessaire de savoir, t'es pas capable toi-même de savoir si. Si le Nazaréen a été initié par l'Égypte, ben, ça prouve que. Ça prouve que ceux qui l'ont initié n'avaient pas la connaissance qu'ils lui ont donnée. Parce que s'il aurait eu la connaissance qu'ils lui ont donnée, il aurait fait ce que lui a fait. Les maîtres qui ont initié le Nazaréen étaient des maîtres qui lui arrivaient à la cheville. C'est ce que vous voulez savoir. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Nazaréen a fait, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Le Nazaréen a voyagé, effectivement, il a voyagé un peu partout avec des, surtout sur des transports phéniciens, de très grands marchands de l'époque. Il a visité Rome, la Grèce, il a effectivement fait un tour à un moment donné aux Indes sur le bord de l'Himalaya. Mais, historiquement, c'est intéressant. Évolutivement, on n'a rien à faire avec ça. Le Nazaréen n'avait pas de maître. Il était son seul maître. Il respectait les choses. Et chaque être humain, s'il veut devenir à un moment donné quelque chose de respectable, doit devenir son seul maître. Alors, on n'a pas besoin de rechercher l'autorité quelque part. Moi, où j'ai été initié, ça ne regarde personne. Pour la simple raison que, il était initié là, ce qu'il dit a peut-être de l'allure. Oui, alors, ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est vous autres qui devez déterminer, mais pas par rapport à des crédits que je pourrais amener, supportés par l'extérieur. Ça ne sert à rien, c'est pas important de savoir où ce qui est initié. Qu'un maître gourou veuille qu'on lui colle à la peau pour se permettre de faire évoluer l'humanité et que sur le plan personnel, on se refuse de le faire, est-ce s'assumer soi-même ou, au contraire, c'est manquer le bateau en ne profitant pas de sa vibration très évolutive? Vous préconisez un enseignement tout à fait autre à travers les programmes maîtres-contrôleurs. Est-ce que je me trompe? Bon. Au niveau du PMC, évidemment, programme maître-contrôleur, c'est fait en fonction que l'individu devienne son seul maître. Ça n'a donc rien à voir avec le phénomène de l'accolade des maîtres et des gourous. Qu'un maître veuille qu'on lui colle à la peau, c'est parce que le maître a froid. C'est pour ça qu'il veut qu'on lui colle à la peau. Et où? L'évolution, c'est une augmentation en vibration. L'augmentation en vibration, si on la fait sur l'eau, on rend l'eau chaude. Et si on continue, on la rend bouillante. Et si on la continue, on la rend vapeur. Et si on continue, on la rend atomique. Alors, le maître a besoin de disciples. Pourquoi? Parce qu'il quitte l'énergie de ses disciples, donc il augmente sa vibration, donc il se réchauffe. En échange, évidemment, le ton qu'il peut canaliser revient un peu sur les disciples et ça donne le phénomène émotif pour la majorité des cas de l'évolution. Éloignez-vous du maître, vous perdez ce qu'il vous avait donné. Une chose qui ne vous appartient pas, ne vous appartient pas, n'est-ce pas? Si vous avez continuellement besoin d'un maître ou d'un gourou, c'est que tout ce que ce maître et gourou vous prêtent, jamais ne vous donnera. Vous aurez donc toujours besoin du maître ou du gourou. Cela veut dire que vous devenez un esclave d'un schéma d'évolution. C'est le même phénomène pour la religion. Le maître et le gourou peut être bon, il te fait monter d'une étape. Quand tu t'en allais et qu'il te ramasse par les culottes, ben, il est temps que tu apprennes à te défendre. Manquer le bateau, c'est la peur majeure de l'humain. Manquer le bateau. À cause des maudits 144 800 quelques élus. Les humains se disent toujours, oui, mais à un moment donné, tu sais, il y a 144 000 élus sur 5, presque 5 milliards d'individus. Alors, manquez le bateau. Vous savez, vous êtes dans un corps humain. Le bateau, vous l'avez déjà manqué. Vous ne pouvez plus le manquer. Alors, cassez-vous pas la tête. Les 144 000 élus, on en a déjà parlé à un moment donné dans la race des élus, puis on en a reparlé d'autres choses. Faites-vous-en pas, toute l'humanité est inclue dans ces élus-là. Pour différents phénomènes évolutifs sur lesquels on va revenir. Mais on n'a pas le temps, on n'aura pas le temps d'en reparler à soi, puis on l'a déjà vu en conférence. Alors, l'humain a peur de manquer le bateau. L'humain manque le bateau, disons, s'il veut se plaire de manquer le bateau. C'est que lorsque l'humain a le privilège de devenir intelligent, le privilège de se supporter lui-même dans son intelligence, le privilège d'apprendre par lui-même, puis que l'humain refuse ce privilège parce qu'il préfère ramasser l'opinion d'un maître, d'un gourou, d'un prêtre, l'humain ne sait même pas qu'est-ce que c'est que l'évolution, mais il est convaincu que le gourou, le maître et le prêtre vont l'amener à évoluer. Bien évidemment, il y a un mot du problème là-dedans, et là, on peut parler de manquer le bateau peut-être. Vous suivez quelqu'un que vous pouvez respecter, appelez-le pas maître, appelez-le pas gourou, rien de ça, mais s'il est respectable dans le sens qu'il vous permet, qu'il vous amène à votre propre maison de sagesse, c'est parfait. Lorsqu'à un moment donné, vous êtes capable de fonctionner seul, continuez à respecter la personne. Montez-vous pas contre la personne. Sauf que maintenant, vous êtes capable de faire évolution à part dans la conscience et en groupe, dans le phénomène expérientiel, disons expérientiel social. Or, manquer le bateau, il ne faut pas s'en faire avec ça. L'être humain ne peut plus manquer le bateau. C'est fait. On est sur la boule. Ça peut être terre. Et puis, s'il va se passer, puis il n'y a pas un seul là-dessus, va être oublié. Ça n'aurait aucun sens, l'évolution, puis je ne dis pas ça parce que ça n'a aucun sens. Je dis ça simplement parce que c'est une condition essentielle. C'est une condition évolutive, c'est mécanique, c'est chimique, c'est physique. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. Puis l'enfer, elle existe présentement, puis l'enfer avec va finir par être spiritualisé, espiritualisé, divinisé, puis intelligencé. Il n'y a pas une condition dans l'intelligence qui va permettre de l'absurdité. Il ne faut pas s'en faire, les élus, vous êtes tous dedans, félicitez-vous de vous. Vous avez parlé du phénomène luciférien qui manipule l'homme même jusqu'au suicide. Est-ce qu'il faut comprendre que le phénomène de suicide ne sert à rien dans aucune condition? Bon, je n'ai pas dit que le phénomène luciférien ne l'amène au suicide. Et le suicide est quelque chose qui a une importance relative au niveau de l'évolution. Premièrement, il crée de l'expérience dans la société puis dans la famille, ce qui évidemment nourrit les forces sataniques, c'est-à-dire le ciel lui-même. Et il est une condition, disons, qui cosmiquement n'a pas d'importance au niveau d'évolution d'une humanité, pour la simple raison que celui qui se suicide, de toute façon, continue son évolution, puis revient, enfin, c'est une phénoménologie qui, encore une fois, sur laquelle on va passer. Le phénomène luciférien et satanique, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que les choses sur lesquelles je veux passer, c'est pas que je ne peux pas m'y attaquer, mais je pense qu'avec la pile de papier que Daniel a entre les mains, ça devient compliqué de faire une deuxième conférence sur un autre sujet pour une question. Par contre, lorsqu'on a souvent des questions qui se rappellent, on fait une conférence. Au niveau de Satan et de Lucifer, en janvier, la première conférence, c'est le mystère du triangle des Bermudes, le triangle du diable. On va expliquer des choses. La deuxième, je crois, c'est Satan dévoilé, ce qui fait qu'on va revenir amplement sur ces mécanismes-là. Les mécanismes qui, maintenant, sont interdits au niveau de la religion, c'est-à-dire que les prêtres n'osent plus parler de Satan et de Lucifer. Il y a plusieurs choses qui se passent présentement. On va revenir là-dessus. Celui qui est suicide, si vous êtes vivant présentement et vous passez au suicide, sachez que vous êtes con si vous voulez vous suicider. C'est-à-dire que vous allez simplement perdre une partie de votre temps. Mais au niveau de votre évolution ou de la condition expérientielle de l'humanité, ça ne changera rien. Vous allez assumer un karma collectif. Ça va aider un peu l'humanité d'un iota. Sauf que vous, ça va vous nuire d'un iota aussi. Il ne se passe rien de plus que ça. C'est simplement qu'au niveau de l'évolution cosmique de l'humanité, le suicide, c'est comme les guerres, c'est comme l'immortalité, c'est comme tout ceci. Ça n'a pas tellement de poids. C'est au niveau de l'évolution planétaire de l'homme, dans la conscience prélocative illimitée de l'humain, que le suicide prend de l'ampleur parce que l'humain ne comprend pas ce qui se passe. Mais le suicide, j'expliquais ça à un moment donné à un psychologue qui voulait suicider, je lui ai dit, c'est un fait, il avait ses diplômes de psychologie dans son mur quand je suis allé chez lui, à l'époque où je travaillais pour l'urgence santé, et je lui ai expliqué, c'est que présentement, il y a un paquet de problèmes, il avait découvert que l'homme qui parlait d'amour n'aimait pas pantoute. Bon, je lui ai dit, ben oui, c'est évident qu'il n'aime pas pantoute, j'ai expliqué pourquoi, fait que là, il commençait à triper. Il pensait qu'il était le seul de sa planète qui comprenait ça. Là, je lui ai dit, une affaire que tu sais pas, tu te suicider parce que t'es malheureux, mais là, de bord, c'est pire. Fait que t'es bien mieux de rester ici. Et de l'autre bord, c'est pire. Ben, qu'est-ce que tu connais de l'autre bord? Ben, c'est ça. Reste vivant, tu sais. Au moins, ça, tu le connais. Suicide-toi pas. L'autre bord, tu sais pas. T'attends peut-être avec un bat de baseball, puis une pique, une pelle, hein. Ben, tu sais pas. Ben, réussite, tu sais. C'est ce que c'est, mais c'est, au moins, tu le sais. Fait que le psychologue a accepté de vivre. Comment expliquer qu'un enfant dit mésadapté peut se souvenir de n'importe quelle journée à partir d'une date? Exemple, le 15 mai 1890 est un lundi. Bon, premièrement, il y a le phénomène de la cérébralité. L'enfant ne doit pas être extrêmement âgé, quoique encore, il y a des phénomènes qui apparaissent à un moment donné au niveau de la gestion génétique des humains. De temps en temps, on a des exceptions qui apparaissent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant mésadapté, et si le terme mésadapté est juste en ce qui concerne cet enfant-là, c'est la société qui est mésadaptée, plus souvent que les enfants. Et on a de plus en plus d'enfants de nouveau. De toute façon, on est entrevoir de faire une série de 3 conférences sur l'éducation et sur l'enfant nouveau, qui ne se donnera pas au centre, mais qui va se donner à l'extérieur à Montréal, pour justement amener ce phénomène-là, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants nouveaux qui commencent à être à l'âge d'être tout déformés par les adultes. Et il est temps qu'on fasse quelque chose. Le mésadapté sociaux, c'est que c'est un enfant qui n'est pas adapté à la société. Mais la société, est-ce qu'elle est réellement adaptée à l'humain? En fin de compte, le mésadapté sociaux est peut-être un adapté individuel qui automatiquement devient marginal par rapport à la société. Le fait qu'il se rappelle de certaines dates ou des choses comme ça, ça n'a rien à voir. Son cerveau peut être suffisamment orchestré mathématiquement pour lui permettre de répondre des choses. Et ce n'est pas un phénomène particulier. La pire chose que l'on pourrait faire, ce serait justement de traiter cet enfant-là comme un phénomène. Tous les enfants qui vont naître et ceux qui présentement ont 12 ans descendant dans la majorité des cas sont tous des phénomènes. Moi, je suis un fou, un hyper fou. Je suis tout à fait anormal. Puis à un moment donné, ben, ça sera les autres qui seront fous parce qu'on sera en majorité à être fous. Bon. Quand la majorité est folle, ben, c'est la minorité qui devient folle. Présentement, la majorité étant ce qu'elle est, ceux qui sont autrement deviennent les marginaux et c'est normal. Alors, ce qui fait qu'il ne faut pas s'en faire, mais on ne doit pas traiter un enfant qui a des choses qui surprennent. Ben, c'est des choses normales. Un jour, je me promets dans une forêt, je rencontre un chevreuil. 2 chevreuils. Des petits. Ben, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est normal qu'il y ait des chevreuils dans une forêt. J'étais avec une personne qui, pour qui elle, c'est pas tout à fait normal. Hey, des chevreuils! Il n'y a plus de chevreuils. Considérer les choses comme étant ce qu'elles sont, naturelles, c'est tout à fait triste. Et les choses restent en harmonie. C'est quand l'humain décide, parce qu'il n'a pas expérimenté le phénomène, qu'il décide que, hey, ce qu'il fait tout. L'enfant n'est pas un mésadapté. C'est les psychologues qui sont mésadaptés à ces enfants. Les greffes d'organes, est-ce naturel? Est-ce à encourager? Il faut faire attention. La greffe d'organes, il faut en l'encourager. Disons qu'il y a beaucoup de médecins qui font des greffes et qui font de la charcuterie pour s'amuser. L'encourager, non. Par contre, la greffe d'organes, c'est un phénomène tout à fait naturel. Pour la simple raison, ça se fait. Hein? Si ça ne se fait pas, ce n'est pas naturel. Ça se fait. Donc, c'est naturel. Dans des conditions particulières, disons, d'aseptie, c'est naturel. Tout à fait intelligent de partager son rein. On parle d'amour, on parle de partage. À un moment donné, s'il y en a un qui ne peut plus vivre fonctionnellement dans son corps, s'il n'y a plus de rein, puis qu'on a 2 reins, qu'on peut lui en prêter un, disons, lui en donner un. C'est rare qu'on le reprend quand il meurt. C'est tout à fait parfait et logique. Émotivement, les humains peuvent triper. On en a déjà parlé avec au niveau des consanguinités, mais de toute façon, il n'y a aucun problème à ce que ça se passe. C'est parfait. Il y a plusieurs races sur la Terre, avec chacune leur religion, leur secte. Sont-elles d'origine cosmique différente? Pourquoi y a-t-il des différentes races? N'y a-t-il pas qu'un seul Dieu? Bon, n'y a-t-il pas qu'un seul Dieu? C'est faux. Il y a plusieurs dieux, la preuve, on le sait. Il y a plusieurs noms, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs religions. Bon, il n'y a pas un seul Dieu. Le seul phénomène qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'il y a un processus ou un principe gestionnaire ou créateur? C'est une autre question. Oui, il n'y en a rien qu'un. S'il y en aurait 2, il y aurait une maudite guerre. Bon, on en met 2 sur la planète Terre, ça se chicane. Fait qu'imaginez-vous à l'échelle cosmique, qu'est-ce que ça donnerait? Par contre, au niveau des dieux, si on veut dire Dieu le créateur, bon, il n'y en a juste un. Maintenant, Dieu qui a son peuple élu, il y a un paquet de dieux. Dieu qui va se venger, Dieu qui va aimer, il y a un paquet de dieux encore une fois. Ça dépend ce que l'homme entend par Dieu. Parce que la majorité de ce qu'on entend par Dieu est une création de l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Attention quand on entend le mot Dieu. C'est pourquoi moi, je ne l'emploie pas au niveau de l'évolution cosmique. Ça ne change rien, ce sont des mots, sauf que ça porte moins à confusion. Il y a plusieurs races sur la planète et chacune leur religion, leur texte. Sont-elles d'origine cosmique différente? Beaucoup de traditions ésotériques veulent le donner, mais c'est non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de l'homme est régie premièrement par son cerveau. Vous ne pouvez pas prendre une personne qui a un cerveau qui n'est pas adapté et en faire un savant. Ça ne se fait pas. La tellurie, l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie qui est conditionnelle des continents, des régions de notre planète, ainsi que les minéraux, les aliments, ainsi que l'atmosphère de la place, donc la filtration au niveau des énergies cosmiques, des rayons ultraviolets, des rayons photoniques de notre Soleil, la région donne une nourriture particulière. Il y aura donc une faune et une flore particulière. Il y aura une condition de vie particulière, une condition expérientielle particulière, ce qui automatiquement va générer des véhicules animaux qui vont devenir des êtres humains, va générer des véhicules qui vont être particuliers. Ces véhicules particuliers vont donc avoir une cérébralité particulière. Automatiquement, ces cerveaux et ces corps physiques vont être capables d'exprimer le contact avec les plans cosmiques à la façon de leur véhicule, ce qui automatiquement va engendrer une coloration selon les ethnies, selon les races, selon les continents, qui va dégénérer en différentes religions, différents phénomènes politiques, différentes orchestrations sociales, différents peuples. C'est ce qui explique les choses. Lorsqu'à un moment donné, regardez ceci, ils sont d'origine différente, s'ils ne se mélangent pas, ils restent les mêmes. Mais prenez n'importe quel peuple, amenez-les aux États-Unis, prenez un Américain, amenez-le en Iran. S'ils mangent de la nourriture du pays, ils vont devenir un Américain ou un Iranien. Le problème, j'en ai déjà parlé avec, c'est que ceux qui, on peut même les appeler les importés, c'est-à-dire ceux qui, à un moment donné, viennent dans nos, par exemple, au Québec, et ils n'acceptent pas de devenir Québécois, ont un maudit problème. S'ils veulent rester leur pays, et ça, c'est le problème, quand le Québécois va s'en vendre en Iran, c'est un importé lui avec, c'est-à-dire que s'ils n'acceptent pas de devenir Iranien, bien, qu'est-ce qu'ils font en Iran? Si celui, par exemple, prenons l'exemple de la Chine, les Chinois, ils viennent ici, s'ils veulent rester réellement Chinois, ils doivent manger chinois. Parce que s'ils mangent exclusivement québécois, puis s'ils vivent exclusivement québécois, ils vont devenir québécois. Alors, évidemment, les races se rappelant de leur mémoire, refusant d'être assimilées, et les races qui changent de pays devraient toujours être assimilées, c'est là l'évolution, refusant d'être assimilées, ils ont leur décor, leur musique, leur phénomène, leur nourriture, que ce soit l'Italie, les Grecs, que ce soit n'importe qui, et le Québécois dans d'autres pays, le Canadien dans d'autres pays fait le même phénomène. Il refuse l'assimilation, alors évidemment, il vit toujours dans un monde de guerre, il vit toujours dans un monde de conflit où il est lui par rapport au reste. Il ferait peut-être mieux d'être le reste. Là, il pourrait vivre. Ses enfants seraient libres, puis ça marche pas, ça fonctionnerait. T'es pogné à vivre 20 ans dans un autre pays, ben merde, deviens comme l'autre pays. Là, tu vas vivre chez vous. Eux autres, non, ils veulent amener une partie de leur chez eux ici. Alors, le phénomène des races est constitutionnel de l'alimentation, de tout ce qui est énergiquement tellurique et la filtration des énergies solaires. On peut parler yin-yang, on peut parler au niveau acupuncture, mais c'est le même phénomène. Si la venue de Jésus a été préparée biologiquement, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'homme plus évolué qu'il y a 2000 ans, existe-t-il d'autres Christ inconnus ou connus? L'énergie christique, le terme Christ, est un terme esthénien. Il était de connotation énergétique à l'époque. Lorsqu'on a humanisé le terme Christ, on en a fait le Messie, mais en fin de compte, ce n'est pas ce que ça veut dire, Christos. Et le terme lui-même garde ésotériquement sa connotation énergétique, c'est-à-dire d'intelligence. L'énergie christique, qui à un moment donné et qui présentement a un synonyme québécois, l'énergie supramentale. L'énergie christique, lorsqu'elle touche un corps humain qui a une faculté cérébrale et biologique et endocrinienne suffisamment évoluée pour pouvoir supporter ce contact sans être démoli, lorsque l'énergie christique touche un être humain, il christifie l'humain, alors l'humain devient un Christ. Bon. Le Christ, le Nazaréen a été l'un des premiers à entrer en contact avec son esprit, son intelligence et à opérer une fusion. Donc, il s'est fusionné à cette énergie supramentale et il est devenu donc un Christ. Il était unique, donc il était le Fils unique. Lorsque nous parlons, est-ce qu'il y a là, si on me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres Christ? Ben, ça va de soi. Et il y en aura de plus en plus. Le retour du Christ, ce n'est pas le retour d'une entité physique qui va être christifiée. Le retour du Christ, c'est le retour d'un contact supramental avec certains humains et avec beaucoup d'humains. Donc, le Christ revient par le biais de différents humains. Donc, ça ne revient pas. Comme l'humain s'attend que ça revienne, ça va de soi. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, vous en connaissez. Il y en a plusieurs qui vont le devenir. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui le sont présentement? Non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous les connaissez? Vous en connaissez certains. Sauf qu'évidemment, vous ne savez pas ce que c'est. Bon. Il y a énormément d'enfants qui naissent, qui ont l'apanage biologique d'entrer en contact avec leur intelligence. Ils ne naissent pas Christ. Le Nazaréen, lorsqu'il est venu au monde, il faisait des babes boubou comme tout le monde. Mais à un moment donné, dans son évolution biologique, il a fini par laisser la finalité programmative de son cerveau s'opérer et lentement, il est entré en contact avec les premières prémices de l'énergie supramentale, c'est-à-dire premièrement un ajusteur de pensée. Alors, il parlait de son père. Lentement, il a ingéré l'ajusteur de pensée, donc il a fusionné ce phénomène qui est représenté sous forme, disons, d'esprit saint, mais en fin de compte, disons, de la colombe ou du feu. C'est l'ajusteur de pensée. Lorsqu'il l'a assimilé, il a commencé à parler de son père dans les cieux et non plus de son père dans le ciel. Et lorsqu'il a finalisé sa fusion complètement avec cette mécanicité, il ne parlait plus du père, il disait qu'il était lui, je suis. Bon. Il y aura donc de plus en plus, c'est de toute façon l'évolution même vers l'homme nouveau. Le Christ, il y en aura un bon paquet. Et puis, il y en a plusieurs parmi vous qui en font partie, mais c'est pas tout. Pourquoi la religion ou l'écologie a institué un tel écart d'accessibilité à de hauts postes, à de tels avantages pour les hommes et non pour les femmes? Les femmes auraient-elles plus cher de karma à payer? Bon, plus de cher peut-être, mais pas plus cher de karma à payer. C'est ce que Dieu a dit quand il a créé la femme. Hein? Il a dit, passe ma kiro. Bon, c'est ma petite fille qui m'a amené ça à un moment donné. Bon, ben, faut pas trop se prendre au sérieux. Oui. Peut-être que Dieu a dit, si l'homme, il aura beau se maquiller, ça ne changera rien. Tu sais, on peut ajuster bien les choses. Bon. Pourquoi la religion et l'écologie a institué un tel écart d'accessibilité à de hauts postes? Ce qu'il faut comprendre, puis un jour, vous allez finir par le vibrer, c'est que la religion n'a rien institué. La science n'a rien institué. Il n'y a que des phénomènes qui sont mécaniques présentement dans la condition expérientielle de l'homme. Il n'y a pas d'action sur la planète. Il n'y a que des réactions, donc des actions réactionnaires. Si on veut ajuster pour se plaire à l'ego, ben, en fin de compte, ça ne change rien. Vous êtes venu ici ce soir parce qu'il y avait un ici ce soir, sinon vous ne seriez pas venu. Vous avez entendu parler. Enfin, il n'y a pas. Bon, il y a un paquet de choses qu'il faut à un moment donné, il faut que l'humain comprenne. En l'occurrence, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Oh, évidemment, ça fait frémir un paquet d'ego, mais il n'y a pas de libre arbitre non plus au niveau de l'humain. La religion, elle instaure des choses qui sont gobables par les humains. Elle ne peut pas instaurer des choses qui ne peuvent pas être gobées par les humains. Donc, elle est assujettie à une limite. Elle n'a pas le choix. Elle est donc conditionnée et conditionnelle elle aussi. Lorsqu'on demande pourquoi la religion ou l'écologie a institué un tel écart d'accessibilité à de hauts postes, parce qu'elle n'avait pas le choix. Bon, ça c'est la réponse. À de tels avantages pour les hommes et non pour les femmes. Premièrement, la femme, à l'époque, il y a eu un temps à l'échelle de la planète où la femme avait suffisamment de pouvoir, et cette époque portait le nom de matriarcat, et c'était le règne des sorcières. Bon, à l'époque, les hommes essayaient d'être sorciers, mais ils réussissaient absolument dans rien. L'être humain, l'homme, de toute façon, la femme enfantait parce qu'il fallait qu'un des deux, à un moment donné, fasse quelque chose. C'est l'homme qui allaitait les enfants et qui s'en occupait complètement. D'ailleurs, les hommes, nous avons encore tous des cicatrices de cette époque. Bon, hein? Et le mâle était tout à fait petit. À un moment donné, il y a eu à l'échelle de l'humanité, et c'est là que Noé entre un peu en jeu, disons, dans la Bible, c'est à peu près à cette époque, où un bonhomme a réussi à démolir le règne des sorcières, le matriarcat, à instaurer le patriarcat. Ça s'est fait en Inde, donc sur le continent indo-européen. Ce bonhomme-là portait un nom qui maintenant a été divinisé parce que l'homme ancien ne peut pas s'empêcher de diviniser les choses. Son précurseur, c'est-à-dire celui qui, disons, son avatar, qui est le terme hindou, de ceux qui amènent une chose neuve, était Rama. On a eu par la suite Orphée, chez les Grecs, qui a induit cette sous-race de notre race mère blanche. On a eu Odin. Ils ont tous été divinisés. On a eu Zarathustra, c'est-à-dire qu'avant même la création des sexes, là, on retourne en Lémurie, donc, où la Genèse va commencer, c'est-à-dire où on parle de la création de l'homme et de la femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'en va vers un phénomène où l'homme et la femme auront de part égale une division au niveau des potentiels ou des potentiels de gestion spirituelle, matérielle, scientifique ou même mentale de notre planète. La femme est en train de libérer l'homme parce qu'elle l'instruit à cuisiner, à torcher le bébé, à passer le respirateur. Puis la femme, lentement, commence à travailler, à faire des choses. Alors, lentement, ça évolue. Ça prend un laps de temps parce que l'humain n'est pas prêt à comprendre. Donc, même si la femme, même si l'homme voudrait faire plus, ça ne ferait pas plus. La religion n'a rien instauré. La religion des sorcières, elle était matriarcale. La religion des hommes, des sorciers, des prêtres, c'est le même phénomène. Le sorcier, c'est la magie noire, le prêtre, c'est le mage, la magie blanche. Il est patriarcal, et de plus en plus, on s'en va vers ces choses-là. La religion étant traditionnelle de par sa définition, évidemment, elle est la dernière à vouloir accepter que la femme atteigne des postes. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont décidé cela. C'est simplement parce que la tradition était construite pour que l'homme grimpe à un moment donné par-dessus la femme, et lorsque l'homme a grimpé, restant traditionnel, ce n'est plus adéquat. La société, or, disons, va un peu mieux, la femme a le droit de grimper à certains postes. Il y a évidemment des hommes qui ne veulent absolument pas comprendre le phénomène, parce que les hommes ont du pouvoir. Et quand une société, quand une religion, quand un gouvernement, quand une science, quand un humain a du pouvoir, ben, il ne veut pas abdiquer son pouvoir. Parce que dans sa tête, pour lui, le pouvoir, c'est de la puissance. Le pouvoir, c'est pas de la puissance. Le pouvoir, c'est une expression très, très, très petite de ce que c'est que la puissance. Et la puissance ne peut pas être régie par de l'émotivité humaine. C'est le pouvoir. Lorsque l'être humain s'arroge d'une certaine puissance, il en fait du pouvoir. Et demande-lui pas d'abdiquer. Jamais de la vie. Il a expérimenté le pouvoir. Il l'a en mémoire, le pouvoir. Il ne pourra pas vivre sans ça. Il préfère mourir ou emmener son peuple à la guerre. Alors, la religion n'a rien choisi. Présentement, tout est en train de changer. Ça change au rythme que cela peut changer. Et la femme va prendre la place qu'elle a à prendre. L'homme, la place qu'il a à prendre. Vous savez que d'ici peu, il n'y aura plus d'ici peu. Mettons encore une vingtaine d'années. D'ici peu, on va engager quelqu'un, on va dire, bon, il faut faire telle, telle chose, tu peux faire telle, telle chose, parfait, tu t'en vas là. Puis on ah, c'est une femme que j'ai engagée, ah, j'aurais pas remarqué. Ah, c'est un homme, je n'aurais pas remarqué. Ouais, non, c'est le phénomène sexuel, la femme va rester sexuée dans le sens et elle encore qui va enfanter. L'homme, dans le sens qu'il ne pourra pas enfanter, mais qui va être capable, disons, de diagnostiquer, disons, d'engendrer la sexualité chez l'enfant. Mais ça va être tout. On aura des hommes qui vont être des gardiens, on aura des femmes qui vont être de ceci, de cela, ça ne changera rien. La femme peut faire ce que l'homme peut faire à la condition que cérébralement, donc au niveau évolutif, physique, elle puisse arriver à pouvoir soutenir la même dose d'énergie que l'homme. C'est ce qui est fait. Sauf que la femme ne le sait pas encore, puis l'homme ne le sait pas encore, et ça va se savoir à un moment donné, et il n'y aura plus question de savoir si c'est une femme ou un homme, un métier pour une femme, un métier pour un homme, ça n'aura plus de sens. Au niveau de l'être nouveau, ça n'a pas de sens. Mais tu vas avoir un garçon ou une fille, il va avoir un humain, il va avoir un cheval. Et tout! Puis là, t'as un enfant, puis c'est ça, c'est parfait. Ouais, mais là, c'est une petite fille, tu pourras pas aller camper avec. C'est pas une petite fille, c'est un être humain. Bon, si ça y plaît à jouer au baseball, on va jouer au baseball. Si ça y plaît à jouer à des poupées, ben, on jouera à des poupées. Si ça y plaît à coudre à coudre, si ça y plaît de bâtir des maisons, on en bâtira. Ça n'a rien à foutre avec le sexe. Sauf que c'est pas encore compris, palpé chez l'homme ancien, parce qu'il y a son stéréotype. Mais il ne veut pas chez l'homme nouveau. L'enfant, tu l'habilles, c'est fini là. Puis, ça n'a rien à voir. La religion catholique romaine enseigne l'indissolubilité du mariage. Si un des époux ou des deux ne sont pas heureux et divorcent, comment peuvent-ils se sentir devant Dieu? Si l'homme nouveau aime d'un amour universel, tout le monde, et il peut donc être avec n'importe quel conjoint de façon indifférenciée. Qu'en pensez-vous? Vous savez, lorsque l'être humain se sent mal devant l'homme, il a l'impression qu'il doit se sentir mal devant Dieu. Les problèmes de l'homme doivent être régis par l'homme, non pas par Dieu. Vos péchés, vous devez les supporter. Quand vous entreprenez la conséquence, vous cessez de vous culpabiliser. Si vous n'êtes pas capable, allez les remettre dans les mains de quelque chose. Ça peut être un dieu, ça peut être une magie particulière, et l'homme se sent bien. Mais ce n'est pas du ressort de Dieu que de pardonner à l'homme. C'est du ressort de l'homme que de tout gérer ces choses. C'est le même phénomène. Vous vous mariez dans le plan matériel, on doit le sceller sur d'autres plans pour qu'il soit cristallisé dans la matière, on l'a déjà vu en conférence. Et pour le déceller dans la matière, il doit être déscellé au niveau des mondes parallèles. Mais il n'y a absolument rien au niveau cosmique qui empêche deux êtres humains de se tromper. N'est pas. L'être humain, lui, qui devait... Dans l'Antiquité, on avait certaines choses. Premièrement, l'être humain ne vivait pas aussi longtemps. Ce qui fait que se parier pour la vie, c'était mauditement plus facile. La vie était courte. Bon. C'est plus facile. Mais aujourd'hui, la vie est plus longue. Les humains évoluent. Et à un moment donné, est-ce qu'ils doivent s'étouffer au nom de Dieu? Est-ce qu'ils doivent étouffer leurs enfants au nom de Dieu? Ou s'ils ne doivent pas continuer à être des véhicules permettant l'évolution, l'amélioration des conditions humaines? On peut se poser la question. Mais émotivement, on ne peut pas démolir ce que Dieu a uni. Sachez une chose, ce que Dieu unit, c'est l'homme qui l'unit. C'est l'homme. Ça ne s'unit pas tout seul, il faut un être humain, et c'est l'être humain qui va l'unir. T'es marié chez l'islam. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, demandez ça à un gars de l'islam, il va vous dire que c'est indissoluble. Demandez pas ça à un catholique. Ou à un témoin de Jéhovah. C'est l'homme qui règle cette chose. Alors si vous décidez que parce que vous vous êtes divorcé à un moment donné, vous devez vous sentir mal devant Dieu, ben c'est ça, changez de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui ne vous comprend pas vous-même. T'sais, vous ne savez pas, donc vous pouvez faire des erreurs, c'est évident, ça fait partie même de l'évolution expérientielle de l'homme. Il n'y a aucun problème là, on parle d'amour universel, de la condition déjà prévue. Si l'homme nouveau aime d'un amour universel tout le monde, il peut donc être avec n'importe quel conjoint de façon indifférenciée, qu'en pensez-vous? Premièrement, je ne pense pas. Deuxièmement, l'être nouveau ne peut pas être indifféremment avec n'importe quel conjoint pour la simple raison que l'être nouveau, étant donné qu'il aime universellement, il s'inclut dans cet amour. Bon, c'est pas un amour psychologique. Autre chose, être avec un conjoint qui vous tête continuellement de l'énergie, ce n'est pas écologique. Être avec un conjoint qui ne joue que par vous-même, à l'âge de 22 ans, veut déjà vous tenir la main quand elle marche à la glace pour qu'elle tombe, c'est pas génial. Pourquoi? Parce que vous lui interdisez complètement de se prendre en main, d'apprendre. Alors, l'homme nouveau va, évidemment, s'allier à un conjoint qui va vibratoirement fonctionner avec. Parce que sinon, l'autre ne pourra pas évoluer. C'est le même phénomène du maître. Tout fait, j'ai un problème, on va voir Daniel Kemp. Mais Daniel Kemp, il répond, je vais marier bien plate. Tout fait, j'ai un problème, je vais voir quelqu'un. Il me donne la réponse. Hey, ça a de l'allure. Ben oui. Mais il ne faudrait pas qu'il meure, le gars, ou la fille. Parce que s'il meurt, moi, on m'a pogné. Là, j'ai un problème, qui je vais voir? On ne doit pas. L'homme nouveau va donc être en harmonie avec la personne avec qui il va rester. La femme nouvelle va être en harmonie avec la personne avec qui il va rester. Et ils vont travailler d'une façon écologique par rapport aux enfants. Pas à leurs enfants, parce qu'évidemment, ça va peut-être passer de mode, ça, le phénomène de leurs enfants. Ils vont avoir une responsabilité locale au niveau des enfants, on appelle ça une famille, mais ils ne feront pas de différenciation entre l'enfant du voisin là-bas et le sien chez lui, c'est, au niveau d'éducation. C'est le même phénomène. C'est ça qui est la société, pour nous des humains qui évoluent. Bon. Mais au niveau du couple, c'est la même chose. Alors, l'homme nouveau, la femme nouvelle, est-ce qu'elle va rester inconditionnellement avec n'importe qui? Non, absolument pas. Elle ne pourra pas. Ça va empêcher, ça va nuire à l'autre, autant que ça peut lui nuire à lui ou à elle. Et ça n'a rien à voir avec le phénomène de l'amour ou non. T'expliques pas la mécanicité cosmique à un enfant de 2 mois, tu sais, je veux dire, c'est maintenant beau l'aimer. Un enfant de 8 ans, ben non, il n'y a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin vibratoirement, cérébralement, il est propre. Alors, tu lui expliques à respecter les plantes, tu lui expliques à respecter l'air, à respecter son corps, à se respecter lui, à être écologique, à comprendre l'écologie sociale, donc à respecter les choses au niveau de l'écologie. Puis à un moment donné, quand il posera les questions, ce sera qu'il sera prêt. Sauf que l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il induit les questions lentement chez l'enfant. C'est pas ça qu'il faut faire. On le branche dans une voie, en lui interdisant les autres voies. Si nous n'avons rien à faire dans notre évolution, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui agit en nous, à quoi nous sert de chercher à évoluer dans divers, par divers moyens, comme des conférences, la religion, etc.? Bon, c'est une question qui est intéressante et qui est fondamentale aussi. Si on n'a pas de libre arbitre, à quoi ça nous sert de faire des choses? Hein? À quoi ça nous sert de penser si, en fin de compte, ce qu'on pense, c'est pas bon? Si c'est l'esprit qui décide le contact, à quoi ça nous sert de suivre des cours, de nous promener, d'étudier, de ceci, de cela? Ça sert à rien. Mais remarquez que tous ceux qui ont fait ça pendant des milliers d'années n'ont pas eu plus que vous, à part quelques-uns. Puis souvent, ces quelques-uns n'étudiaient pas. À quoi ça sert? Ou que ça serve à quelque chose. Parce que sinon, vous ne le feriez pas. L'intelligence ne le laisserait pas faire. Ça sert à une chose, oui. Ça vous permet d'être en état de réception. Ça vous permet d'être en état de contact. Ça vous permet d'être en état de vie. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez automatiquement vous confronter à la vie. Vous confrontant à la vie, vous restez en permanence en état d'être un jour ce que vous devrez être ou ce que vous allez être. C'est-à-dire que vous restez en disponibilité. C'est ça qui est le problème. Il y en a qui vont chez Krishna, puis qu'à un moment donné, ils comprennent tout. Puis là, chez Krishna, s'ils comprennent tout. Puis il y en a qui vont ailleurs, puis d'un coup, ils comprennent tout. Puis évidemment, ils deviennent eux-mêmes. Normalement, on va focaliser une dynastie autour d'eux autres, on va en faire des maîtres, et puis on va l'offrir un poste, le poste du maître. Souvent, l'humain qui ne comprend pas tout accepte le poste puis bloque son évolution. Il devient un maître ou un gourou. L'humain, lorsque l'humain fait comme ce que vous faites ce soir, vous placez simplement en état de disponibilité, c'est-à-dire que vous vous permettez de vivre quelque chose de neuf. L'humain a besoin de vivre du neuf parce que lorsque l'humain vit du neuf, il se place en résonance avec l'intelligence instantanée. Donc, votre intelligence, ce que dans l'Antiquité on appelait, encore aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit pur, non coloré, ce qu'on peut appeler l'Esprit, ce qu'on peut appeler l'énergie supramentale, ce qu'on peut appeler l'énergie christique, on se fout des termes, c'est plaisant d'avoir des mots, bon. Lorsque l'être humain est en résonance avec du neuf, automatiquement, il se peut qu'à un moment donné, il fasse suffisamment abstinence de sa mémoire, de son passé, tout en restant ce que vous êtes, donc mentalement évolué, cellulairement parlant évolué, il se peut qu'il fasse abstinence suffisamment de sa mémoire du passé qu'à un moment donné, il se passe chez lui quelque chose où il vient de comprendre quelque chose de plus. Et il va avoir un petit break pour qu'il puisse digérer, pas non plus que le corps physique ait des problèmes. Puis à un moment donné, ben, il va finir par comprendre suffisamment. Et c'est à quoi sert la vie? Pourquoi vous pensez qu'il y a des guerres? Parce que s'il n'y a pas de guerre, l'humain s'endort. Pourquoi vous pensez qu'il faut que vous vous posez la question souvent pourquoi qu'il y a la paix? Ben parce que s'il y aurait juste des guerres, l'humain s'endormirait. L'humain va dormir autant en temps de paix qu'en temps de guerre. À un moment donné, il n'y a rien que la guerre. Fait que l'humain, il y a la guerre, c'est parfait. Il n'y a plus peur, c'est normal, c'est une condition qu'il connaît. C'est normal, la guerre. Mais à un moment donné, il y a la paix. Puis il se baisse pour rien. On ne peut plus y aller. Sérieusement, il n'y a plus rien. Capoute. On bâtit des immeubles, on ne démolit plus. On ne fait plus rien. On ne fait plus d'armes, plus de chars d'assaut, on ne peut plus jouer. On peut plus. Mais voilà, c'est une condition neuve. L'humain doit expérimenter ça. Quand la paix est là depuis un grand laps de temps, si l'humain n'a pas l'intelligence de l'évolution, ben, à un moment donné, l'humain va finir par la vie va y amener quelque chose de neuf. Les humains qui sont en guerre depuis un certain nombre d'années ont aussi peur de la paix que les humains qui sont en paix ont peur de la guerre. Alors, la condition, pourquoi l'être humain se déplace, pourquoi vous lisez, pourquoi faire des choses comme ça? Ben, c'est ça. Juste pour être en disponibilité. C'est la seule chose. Ça vous permet d'expérimenter du neuf. Les choses que je dis qui ne sont pas, connues, qui ne sont pas sûres. Les choses qui frappent et des choses qui ne frappent pas. Vous vous emmenez, vous vivez. Ben, c'est ça. Il faut continuer à vivre. Si vous restez dans votre salon à attendre, il ne se passera rien de neuf. Alors, on devrait vous envoyer une bombe à un moment donné pour qu'il se passe quelque chose. Hein? On devrait vous dire, tac, tac, tac, bonjour, je suis un capitaine soviétique, je viens vous dire que nous réquisitionnons votre logement pour placer nos troupes. Alors, vous dites, comment ça? capitaine soviétique, c'est pas l'armée canadienne qui... Oh non, vous êtes conquis depuis 6 mois. Oh, le temps que... Ça, on reste pas chez soi pour on attend d'évoluer, faut que vous fassiez ce que vous faites. Quand quelqu'un vient me voir après les conférences et qu'il me demande il y a tel problème, qu'est-ce que je dois faire? La réponse que je donne quasiment tout le temps, c'est continue à faire ce que tu fais. C'est impeccable. Oui. Oui, mais ça ne règle pas mes problèmes. Non, mais ça te fait penser, ça te fait travailler, ça fait évoluer, c'est ça le problème. Le problème, il est là pour te pousser dans le cul, c'est pas un problème, le problème. Tout se règle à un moment donné. Sauf que l'humain qui l'expérimente pas, il ne sait pas. Mais, oui, c'est. Comment l'homme nouveau prépare-t-il sa vie au cours de son jeune âge? Ça le regarde. La spiritualité n'est-elle pas un culte intérieur au lieu d'être extérieur, comme dans la religion? Croyez-vous que ça appartient à soi-même en propre au lieu d'un groupe et surtout de le vivre au fond de soi-même en communication avec la conscience christique ou l'esprit supramental? Bon, ce qu'il faut comprendre, disons, c'est que l'être humain, quand on parle de la religion mentale, quand on parle de l'homme nouveau, qui lui-même n'aura pas de religion, parce que la religion tend à relier, l'homme nouveau est relié. Bon, n'en déplaise à l'homme ancien, mais à un moment donné, il faudrait bien que l'homme ancien finisse par être relié. T'sais, après 2-3 millions de religions, même après 13 millions de religions, il faudrait bien à un moment donné qu'il applique. La spiritualité... La religion est une spiritualité. Maintenant, on a évidemment des spiritualités à part, c'est-à-dire la recherche de l'esprit. Le terme spiritualité a été suffisamment galvanisé à un moment donné. Disons que moi, je parle plutôt de l'espiritualité, pour m'y ajuster. Bon, être intérieur, être extérieur. Sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que l'être humain a besoin d'un contact social pour pouvoir dynamiser sa spiritualité, sa religion, sa croyance ou sa foi, automatiquement, c'est que ce qu'il veut dynamiser, cette religion, cette spiritualité, cette croyance, cette foi, ne lui appartient pas. Vous avez besoin de rencontrer des gens qui croient au Christ, vous avez besoin de prier avec eux autres et tout ça, c'est parce que le Christ ne vous appartient pas. Parce qu'à l'instant même où on gagne, on ne le dynamise pas, il n'est plus là. Et ça, il faut que l'humain arrive à le comprendre. Tant qu'on en a besoin, on continue. Mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne que quelqu'un peut effectivement faire chambre à part. Il a son cheminement, puis ça, c'est parfait. L'homme nouveau, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a simplement qu'il va être capable, par la parole, par la gestuelle, de continuer à exprimer l'intelligence dans toute la planète. Pas l'émotivité. Tu sais, tu vas avoir une belle cheminée, pas plus d'argent, ça pollue plein, mais ça, c'est pas grave. C'est l'émotivité. L'homme nouveau, la femme nouvelle vont exprimer de l'intelligence. Alors, évidemment, ils vont être capables de travailler en groupe, ensemble, pour exprimer l'intelligence. Ils vont être capables de s'obliger à parler ensemble. Mais pas, c'est quoi telle affaire? Puis l'autre, il répond, pas absolument pas ça. La conversation qui va avoir lieu entre des êtres intelligents et des êtres nouveaux, c'est une conversation qui va être simplement, que penses-tu de Dieu? L'autre va répondre, Dieu, c'est un phénomène intéressant. Oui, à cause que, puis ils vont y aller tous les deux. Donc, ils vont se servir du support, ils vont s'auto-dynamiser pour monter en vibration, puis après ça, il n'y aura plus de questions, ils vont être dans un état particulier qui va leur permettre de savoir instantanément ce qu'ils ont besoin de savoir. L'homme religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée dans le contexte planétaire ce qui va se vivre dans le contexte cosmique, et ce qui va donc se vivre à un moment donné dans le contexte planétaire, lorsque l'homme sera suffisamment intelligencé par son propre esprit. L'homme nouveau n'aura donc pas besoin de renforcer sa foi, de renforcer ceci. Vous savez, quand vous savez quelque chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. C'est quand vous l'avez appris et que vous ne l'avez pas compris qu'il faut qu'on vous le dise. Mais quand vous le savez, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous savez que l'Afrique existe. Si je vous parle de l'Afrique n'importe quand, l'Afrique, oui. C'est pas nécessaire qu'on vous répète tous les 6 mois, ben non, qu'on en fasse une fête de l'Afrique. Vous le savez. Si je dis, vous savez que vous vivez, c'est pas nécessaire qu'on fasse une fête de la vie. C'est pas une fête de la vie qu'on fait. C'est des fêtes d'autres choses, des choses que l'être humain ne sait pas. L'homme nouveau arrive à un savoir instantané, donc il ne peut plus croire, il sait. Il sait ce qui est, il sait ce qui n'est pas. Il ne va pas convertir les autres, parce qu'il sait que chacun doit arriver à savoir. Et si à un moment donné, tout le monde sait, ben il va se trouver, originalement, qu'on va tous savoir la même chose. Qu'on n'aura pas besoin de se convertir. Mais lorsqu'un être humain va savoir, il n'aura plus besoin de se réunir en groupe. Est-ce que la foi, la croyance, la spiritualité, la religion, c'est quelque chose qui doit se faire à l'intérieur? Non. La religion, la foi, la croyance, la spiritualité doit nécessairement se faire en groupe et être exprimée à l'extérieur parce que sans cela, elle meurt dans l'homme. Parce que ça n'appartient pas à l'homme. L'homme n'est pas un être qui doit vivre que de spiritualité, que de croyance, que de foi et que d'espoir. L'homme est un être qui n'est pas de la merde. L'homme est un être qui est de l'intelligence et de l'esprit. Et bien que dans le contexte de notre planète, il ait été omnibulé pour des raisons intelligentes, connaître Johnny, ce qu'on va revoir, l'être humain n'est pas de l'être humain est de l'esprit. Et il est donc de l'intelligence. Il doit, dans le contexte de l'ignorance, vivre en condition de foi, de croyance, de religion, de spiritualité. Ça, là, lui, n'appartient pas. Prenez un enfant, mettez-le quelque part, puis faites-le évoluer. Il ne découvre pas ce genre de mécanicité. L'enfant d'aujourd'hui, dans un contexte non planétaire. Pourquoi? Parce que c'est un enfant nouveau. Donc, c'est, étant donné que ce n'est pas interne à l'homme, c'est la condition sociale. Les religions apparaissent lorsque l'homme se groupe. La religion n'apparaît jamais dans un individu seul. Elle apparaît lorsque l'homme se groupe. Ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient à l'esprit grégaire de l'homme. Ça appartient à la conscience collective que les religions, la foi, l'espoir, ces choses-là. Lorsque l'humanité évolue un peu plus, il vient un temps où il y a quelque chose-là qui appartient à l'homme. Le Nazaréen, tout à l'heure, je l'ai dit, n'allait pas à l'église, il ne priait pas. Ça lui appartenait. Il n'avait pas besoin de le dynamiser. C'était pas nécessaire pour lui de le dynamiser. Alors, il n'allait pas en groupe prier, il n'allait pas ceci. Il s'en allait tout seul, puis il se parlait à lui. C'est ce qu'il lui appelait, c'est ce qu'on relate dans la Bible, lorsqu'il parle à son père. Il le faisait et il se parlait à lui. Alors, l'être nouveau, c'est le même phénomène qu'il va vivre. Vous allez tous, à un moment donné, percevoir que, de toute façon, l'être humain, là, chez lui, depuis l'Antiquité, ce phénomène qu'il pousse à la religion, mais la religion n'est pas l'expression du phénomène. La religion te dit, tu devras un jour te relier. Et la religion te dit, pas tout de suite, attends. Tu sais, il veut dire, le pape n'est pas relié, tu n'es pas relié avant lui. Bon, les prêtres ne sont pas reliés, tu n'es pas relié avant lui. C'est pour qui tu te prends? Tu es un blasphémateur, tu te prends pour un saint, et ceci, et cela. Tous ceux qui ont été, à un moment donné, faut comme on dit, mais sanctifiés. C'est pas. Ben, tous ces gens ont été reniés de leur vivant. Hein? Ils ont été carrément reniés de leur vivant. Puis quand ils sont morts, ben c'est là qu'on leur a fait le coup. Oui, on les a attachés grégorement parlant à des collectivités maintenant qui leur têtent l'énergie continuellement. Et quand c'est complètement têté, ben le saint ne fonctionne plus. On le sait, l'égrégore du saint est épuisé. C'est un fait. Bon, l'être, l'homme a l'homme. Parle de la femme, parle de l'enfant, évidemment. Il a quelque chose chez lui. Il a une toute petite partie de l'intelligence qui est carrément écrasée par son phénomène mémoriel, par l'âme, par le phénomène expérientiel. C'est normal parce que c'est l'ego, c'est l'âme qui doit engendrer le phénomène mental. Et lorsque le phénomène mental apparaît, et c'est le cas de tous ceux qui sont sur la partie nord planétaire, la religion va de plus en plus devenir une chose qui ne sera plus nécessaire. Ceux qui s'y accrochent s'en servent comme frein. Ceux qui vont s'en servir maintenant pour avancer vont s'en servir comme tremplin. Et à un moment donné, chez l'homme, il va se passer des choses où l'humain va être capable de se supporter lui. C'est la chose la plus difficile sur le plan planétaire, c'est que l'humain ne veut pas se supporter. Il veut être supporté par les autres, par des dieux, par des concepts. Il ne veut pas se supporter. Plus cela va aller, l'humain, c'est de l'intelligence. Lorsque l'intelligence s'exprime, ce n'est pas pour faire un culte à qui que ce soit. Peut-on avoir le contrôle sur le soi intérieur ou seulement sur le moi objectif? Le moi objectif est de l'intellect assujetti à l'ego, donc assujetti aux mémoires, c'est ce que j'appelle l'intellectuel. Le soi intérieur est tout le phénomène égoïque, amisé, c'est-à-dire tout le phénomène émotif, mémoriel. Et lorsque l'humain devient suffisamment son seul maître, lorsque l'humain devient son maître contrôleur, lorsque l'humain arrive à être au-delà de la phase intellectuelle, lorsqu'il devient mental, et ça, c'est relativement facile, et puis on va en voir de plus en plus au niveau des mois de l'année 87, 88, 89 qui viennent, des humains qui vont finir par être suffisamment mental, ce qui fait que le moi objectif qui est le plus proche du mental va être le premier à être assujetti à, disons, la maîtrise du plan mental. Et par la suite, ce que la personne ici appelle le soi intérieur va, elle aussi, ce soi-là va lui aussi devenir assujetti à l'orchestration intelligente du mental. Alors, ce qui fait que ça, c'est une chose qui va venir. Iriez-vous sauver votre enfant du feu ou les droits du voisin à côté, écologiquement parlant? Ben, la question contient en elle-même sa réponse. Ça vaut même pas la peine de la commenter. Elle est écologique. Elle contient la réponse. Concrètement, quelle est cette épreuve du feu dont vous parlez? Concrètement, bien, bien concrètement et terre à terre, la conférence en janvier qui porte le thème « L'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau », ben c'est exactement la réponse à ça. Qu'est-ce que la nouvelle religion mentale va créer comme égrégore? Bon. On va revenir juste si on a le temps. C'est une question qui est assez spécialisée. Des questions personnelles? J'aimerais juste être sûr d'avoir répondu aux questions, disons, de moins spécialisées. OK, moins spécialisé. Alors, tes ancêtres étaient-ils allemands? Oh non, pas des farces comme ça. Mes ancêtres, c'était des pirates. Gandhi était-il un homme religieux ou un initié? A-t-il rencontré Sri Aurobindo? Bon, Sri Aurobindo était l'un des premiers corps de notre siècle qui a été en contact avec le plan supramental. Son corps était de descendance aryenne, donc insuffisamment évolué génétiquement pour supporter. Alors, Aurobindo a vécu ce qu'il a vécu. Ça n'a rien à voir avec le bonhomme lui-même. On parle du corps physique, c'est pourquoi il est mort et qu'il a été malade. Mère était d'une consonance, disons, raciale, sous-raciale blanche différente, donc elle a vécu plus longtemps. Rencontrer le Mahatma Gandhi ou non, ça n'a aucune importance. Gandhi lui-même était un personnage qui a été manipulé à faire des choses. Il a été un initiateur de certaines choses, mais il n'était pas un initié dans le sens cosmique du terme, dans le sens même planétaire du terme. Sauf qu'il a engendré une phénoménologie assez intéressante, celui de la non-violence violente. Bon, parce que lui, c'est qu'il a réussi à obliger du monde à faire des choses que le monde ne voulait pas faire, mais au lieu de prendre les armes, il a pris le jeûne. Alors, ceux qui prennent les armes sont prêts à mourir pour leurs idées, lui était prêt à mourir pour ses idées, et ceux qui prennent les armes veulent obliger quelqu'un à agir contre leur gré, et Gandhi a obligé aussi quelqu'un à agir contre leur gré. Ça, c'est le même phénomène. Bon, c'est intéressant parce qu'elle a créé une vague de, disons, de non-violence qui, aujourd'hui, au niveau mental, a été repris par ceux qui étaient, à un moment donné, en Irlande. Et ça n'a pas fonctionné parce que, disons, les Britanniques, à un moment donné, en avaient assez, des jeunes. Et c'était parfaitement normal. Ce que Gandhi a fait était tout à fait génial pour l'époque. Il devait instruire un palier de plus au niveau d'évolution de l'humanité, de nos humanités, l'idée même de la pression, de la non-violence, de ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, aujourd'hui, si on étudie convenablement, on se rend compte que la non-violence du Mahatma Gandhi était de la violence déguisée. Lui le savait sans doute, mais ce n'était pas grave. Il en riait. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait. Et c'était plus intelligent, tant qu'à être violent, c'est moins plus intelligent d'être violent comme Gandhi que d'être violent comme Hitler. Hein? Bon, bien évident. Qu'est-ce que la nouvelle religion mentale va créer comme égrégore? Bon, je reviens avec mon même mot du papier. Vas-y. Durant le séminaire spécial, je me soutenais et c'est tombé. Ce phénomène est irréversible. Ça, on va revenir dimanche aussi. C'est une question qui est un peu spécialisée. De façon, est-ce possible que la présence d'un char chez soi puisse changer ou amener... C'est difficile à... Bon, on va parler de l'égrégore. Oui, bon, ben c'est ça, vas-y donc. Bon, au niveau du chat, j'ai fait une conférence, le rôle du chat et du chien dans l'évolution de l'homme. C'est une conférence qui a fait rire énormément d'individus, tu sais, qu'est-ce que c'est le rôle du chat et du chien dans l'évolution de l'homme. Alors, à un moment donné, la personne, si elle veut avoir une réponse peut-être intéressante, c'est assez intéressant de voir à quoi servit le chien et le chat dans l'évolution de l'homme. Hein, on pense que c'est un amuse-gueule, mais... Bon... Qu'est-ce que la nouvelle religion va créer au niveau de l'égrégore? C'est le sujet d'une conférence. Si on passait à une autre question. OK, vas-y. Si vous saviez qu'un enfant va devenir Hitler, vous le tueriez. Quelqu'un qui a lu mon livre. Le tuer écologiquement, si c'est son plan d'arme, comment pouvons-nous décider d'intervenir? Bon, il est très important de comprendre que dans le livre, j'explique à un moment donné le phénomène de l'écologie. Enfin, on explique différentes choses dans le livre. Et il y a une place où je pose la question. Si l'homme ancien voit un enfant extrêmement beau et il sait, sûr, que l'enfant va devenir un monstre comme Adolf Hitler, est-ce qu'il le tuerait ou non? L'homme nouveau le tuerait sans problème. Tandis que l'homme ancien, ben, il pourrait pas le tuer, il est trop beau, fait qu'il va essayer de l'éduquer, de le changer, puis comme ça marchera pas, ben, il va pas au moins se dire, ben, j'ai fait mon effort. Puis là, au lieu de tuer un, il va permettre que lui en tue des millions. Maintenant, la question fondamentale, est-ce qu'il te dit que l'homme nouveau ne se trompera pas? Ben, si l'homme nouveau est pas sûr, ben, il va carrément le laisser vivre. Alors, ça change rien. Comprenez-vous? Bon. C'était simplement un phénomène pour faire vibrer l'homme ancien, parce que l'homme ancien préfère, évidemment, lui espérer que les choses vont marcher.